Hey, salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 14 du Fun à regarder des films, des podcasts. C'est Bouchard au micro toujours, évidemment. Et je suis en compagnie ce soir du merveilleux Jean-François Tremblay. Salut Jean-François. Salut, merveilleux Seb. Hey, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Merveilleusement bien. J'aime ça dans la gorge, mais sinon tout va bien. C'est correct. Et aussi avec nous, on a l'incroyable Steven Lefrançois. Salut Steven. L'incroyable. Merci beaucoup, Sébastien. Salut. Ça va? Ça va très bien. Yes. Malgré le temps de beep. Ah, tu peux le dire, on est en. On est dans ah, c'est vrai, on n'est pas associé à TVA. Temps de cul. Ah, un temps de cul. Mais c'est quand même correct qu'au Saguenay, on n'a presque rien eu. Ouais, mais au Saguenay, il n'y a déjà jamais rien, c'est correct. Je m'excuse, je voulais pas dire ça. Kick out du show, kick out. Je te blague. T'auras pas ton salaire ce mois-ci. Hey, fuck, je le voulais, moi, ma bolette de chocolat. Hey, tout le monde, c'est plate parce qu'il manque, l'inimitable Vicky est pas là, mais écoute, je pense qu'elle nous écoute présentement. Alors, salut Vicky. J'espère qu'elle nous voit aussi parce que moi je la boude, c'est correct. Hein? Moi je suis là, je fais pas un mouvement, je la boude. Ouais, c'est ça, bon. Hey, gang, gros épisode, mais oui et non, c'est surtout que comme plein de choses à jaser en ce début d'épisode, alors on va essayer d'y aller tout de suite. Puis Vicky sur le chat, elle nous dit « Je suis ici, je vous fais des coucous. » Yeah! Hey, d'ailleurs, salut tout le monde sur le chat. Et oui, c'est ça, il y a toujours des gens qui nous suivent sur le chat, comme vous le savez. Hey, j'avais une petite question pour vous deux, surtout vous deux. Ça aurait été le fun d'avoir l'opinion de Vicky aussi, mais vu qu'elle n'est pas vraiment fan. Mais qu'est-ce que vous pensez des récents commentaires de Dario Argento sur le remake de Suspiria? L'avez-vous vu? Non? Non. Il a dit que c'était pas super, qu'il y avait... Surtout fait un commentaire sur la musique, il dit qu'il n'y avait pas de musique dans le film. There's no music, tu sais. On dirait que c'était une pointe lancée à Tom York, je sais pas trop. Mais en tout cas, il a pas vraiment trippé. Écoute, en même temps, je veux dire, c'est drôle, j'en parlais avec Marc-Antoine cet après-midi, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a une relation plus intime que n'importe qui avec son Suspiria, fait que voir quelqu'un d'autre adapter son travail... I guess qu'il s'attendait peut-être à avoir un semblant de... D'imitation? Ben, d'imitation, de comparaison. Lui, il reprochait beaucoup que le film reniait pratiquement l'âme du film original, mais c'est parce que, tu sais, Lucas s'en va complètement ailleurs, en dehors du titre puis du nom des personnages. Mm-hmm. Ça ressemble zéro à Suspiria. Puis, tu sais, le Suspiria d'Argento, la musique, c'est comme prédominant avec le visuel. Je veux dire, c'est ça le cœur du film, tandis que dans le nouveau Suspiria, c'est plus les acteurs, c'est plus d'autres choses. La musique, oui, est plus abstrait, mais je veux dire, il y a quand même une soundtrack assez présente et bonne. Mais écoute... C'est jamais une bonne idée de demander au créateur original de commenter un remake, tu sais. S'il avait fait un film vraiment pareil à l'original, il aurait dit que c'était trop pareil, tu sais. Probablement. Mais tu sais, c'est sûr... Tu regardes les gens chialer contre le remake, puis c'est pas mal ça qui chialent. Oh, la photographie est laide, ça ressemble, la musique est vraiment pas à la hauteur, des trucs de même, mais le film est juste complètement différent. Si on avait fait un film pareil, qu'est-ce qu'il aurait dit? C'est juste un copier-coller en pas bon. C'est ça. Alors voilà, on est juste pas contentable. Mais si on avait demandé à Patrick Sénécal, qu'est-ce qu'il pense des remakes? Oh, vous n'avez pas vu la publication de Patrick Sénécal sur Québec Horreur. En tout cas, vous irez voir. Là, Horreur Québec, Horreur Geek Québec, je m'en rappelle. Geek Horreur Québec. Ouais, tu parles du solo qui s'est calé tout seul sur A Quiet Place. Là. Non. Ça, c'était drôle. Non, aujourd'hui, c'était... Il a décidé qu'il y en avait assez des remakes. Ah, parce qu'il chialait contre le monde qui écoutait Halloween, le nouveau. Regarde. Là, qu'il faut pas. Faut mon pas. Dieu. Écoutez pas Halloween. Si vous aimez Halloween, vous n'êtes pas un vrai fan. Vous êtes en train de vomir sur l'horreur. Le talent original, là, c'est comme fuck off. Ah, regarde tes livres avant de parler. Puis... Si vous êtes un peu fan d'horreur, puis vous aimez ça, voir quelqu'un chialer, Patrick Sénécal va à tout champ dans une. Se laisse aller sur un sujet sur le groupe Geek Horror Québec. Là. Puis même quand il n'y a aucunement raison sur un film et qui comment dire, qui se fourvoie, qui se fait corriger, ben, son opinion, il décide de ne pas la changer quand même. En tout cas, c'est très, très drôle. Non, mais tu écrit vois sur le chat, ouais, Patrick Sénécal a vraiment une bonne opinion fiable, anyway. De toute façon, son but, c'est juste de provoquer puis d'obtenir le plus de réactions possible. On s'entend, là, c'est du piquage, là. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il disait, l'horreur, c'est rendu le style de cinéma cheap parce que tout le monde... c'est le style de cinéma où il y a le plus de remake, de suite, de reboot et tout ça. Moi, quand on me dit que l'horreur est morte parce que justement, c'est juste des reboots, des remakes, des suites, c'est parce que tu regardes pas d'autre chose que qu'est-ce qui sort dans les salles de cinéma. Parce que, excuse-moi, mais dans le cinéma indie, fuck, t'en as là, du choix puis de l'originalité. Là, fuck. Rien que de ça. Arrête de juste rester avec les grosses productions. Là, non, je veux dire, c'est probablement... Puis d'un comédie, puis d'un sorte d'autres genres. T'en as plein de remakes, puis tu sais, des Jumanji, puis des Toy Story, puis des ci, puis des ça, puis t'en as plein de remakes, puis de sequels, puis de... Parle pas contre Toy Story, mon mot. Non, je parle pas contre. J'ai jamais voulu un Toy Story 4, mais depuis qu'il est annoncé, j'ai jamais autant voulu un Toy Story 4. Je suis pas encore j'ai sûr de peur. Le vouloir, mais en tout cas. J'ai un petit peu peur. J'ai l'impression que avec le troisième, la trilogie était parfaite. Mm-hmm. Puis j'avais pas envie d'un quatrième, tu sais. Je sais, moi non plus, j'avais pas besoin d'un quatrième. Sauf qu'ils se sont pas trompés une seule fois. J'en avais pas besoin du 2, j'avais pas besoin du 3. Okay. Tu sais. Ouais, mais 4, c'est. Je sais pas, j'aime pas ce chiffre-là. Moi non plus. J'ai rarement vu le quatrième film d'une série être le bon film. Peut-être que ça va faire comme l'émission Impossible, puis là, le 4, 5, 6 Toy Story, ça va être de la bombe. Mais là, comment veux-tu être de la bombe? C'était déjà de la style de bombe. Oui, mais c'est juste que là, Buzz Lightyear va faire toutes ses cascades. Ah, c'est ça! OK! Il va faire ses voix lui-même. Il n'y aura plus de doubleur. Yes! Ah. Hey, gang, je disais qu'on a un gros début du show chargé, puis finalement, on n'est même pas encore commencé. Fait que je vais essayer quand même de couper court. Je voulais faire une plug, parce qu'évidemment, je n'ai parlé vendredi sur le site, mais ceux qui... pas sur le site, mais sur notre page Facebook, mais ceux qui la suivent plus ou moins... grosse nouvelle, j'allais dire fin de regarder des films, mais oui, tu sais, c'est un peu à cause de ça que j'ai été invité là, mais à partir de cette semaine, tous les vendredis matin à 7h15, je serai un chroniqueur cinéma à Radio Énergie 5D 94.5, et c'est quand même en collaboration avec Fun de regarder des films, alors... je vais essayer de temps en temps soit avoir des concours liés à énergie ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, c'est vraiment trippant. J'ai mon cinéma du jeudi payé. Ça, c'est ce qui est le plus trippant de la gang. Enfin, je ne serai plus celui qui attendrait les Blu-ray, les DVD pour voir un film. Ça, c'est assez fou. C'est assez fou. Pas mal de coups pour toi, mon Seb. Ouais, je sais, vous êtes jaloux. Écoute, je voulais pas le dire, mais fuck! Non, sérieux, puis la gang est vraiment trippante, là. C'est vraiment une belle gang. Vendredi, j'ai comme pris la peine d'arriver vraiment de bonne heure pour faire tomber le stress avant le début de la première chronique. Là. Puis je suis comme arrivé à un gros 10 minutes. Là. Fait que, j'ai comme eu le temps d'être avec eux autres pendant qu'ils parlaient d'autres affaires, mais d'être comme tranquille. Puis je me suis rapidement senti chez moi. C'est ça. Puis c'est la première fois que je les rencontrais, eux autres. C'est ça qui est hot. Puis c'est ça. Mais donc, c'est ça. Écoutez, fait que je suis sûr que ça va être sur le site, ça va être sur la page. On va avoir moyen de réécouter ça. Qu'est-ce que tu disais? Quand est-ce que tu nous délaisses? Eh boy. Hey, j'ai mentionné concours ce soir pendant le stream. Il y aura concours. Jeff, tu nous fais tirer une copie digitale d'une série, dont tu vas nous parler. Ta gueule, Siri. Bon. ça y arrive tout le temps durant les podcasts, c'est ça? Ben, on a dit Siri, elle a réagi. Siri. Puis. J'ai aussi reçu, je n'ai pas encore partagé sur notre page, je vais mettre le concours en ligne cette semaine, mais j'aurai une copie de la saison 1 de la série Kidding, mettant en vedette Jim Carrey, série produite par Michel Gondry. C'est pas digital, hein? Tu t'envoies... Non, c'est un vrai de vrai, là. Écoutez. C'est un vrai Il est déjà en DVD qui train se de promène dans la scratcher, pochette. attention, là. Alors, il fait juste tourner. Je dis ça. Ok, Jeff, on va donner ta copie finalement. Ouais, c'est ça, C'est moi qui vais en parler. là, je ne l'ai pas dans les mains, mais j'ai une copie aussi, fait que dans le prochain show, je devrais être capable d'en parler, là. En tout cas, parler du début, au moins. Yes, c'est ça. Donc, ouais. Donc, on va faire tirer ça. Donc, il y aura un chanceux. Je suis Une quand autre même série que tu vas pas jaloux. finir? J'aurais aimé ça la garder pour moi. Hein? Quoi? Ha, ha, une Ha, autre série que Jeff pourra pas finir? Puis, ben, puis c'est ça. Puis, tant qu'à faire, je voulais, parce que j'ai pas encore fait de pause, je voulais juste mentionner rapidement ce que j'ai reçu cette semaine. J'ai reçu le Blu-ray de Boy Erased. On avait fait un concours là-dessus, on a fait tirer des billets cinéma, j'ai bien hâte de le voir. Et qui aurait pensé que ça existait? Benchwarmers 2. Vous souvenez-vous de ça, cette comédie-là? C'est distribué par Columbia, Universal. ça? Universal. Hey, Universal veut vraiment faire des suites de toutes. C'est débile. C'est débile. Ils prennent n'importe quoi, là. T'sais. Fait que là, c'est. Mettons en vedette Chris Klein et John Lovitz. Hey, John Lovitz, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu dans quelque chose de Ça hot, fait à longtemps. part peut-être. Ouais, la dernière fois, c'était été Rat Race. Je sais pas si tu te rappelles du premier, mais c'était Ah, pas écoute. bon! Non, je l'ai mis souvent au club vidéo, puis j'étais vraiment à bout. Je voulais même pas le. Je voulais même pas le. Je voulais même pas l'écouter, là. J'étais à bout du club vidéo de le voir, là. Bon, Vicky sur le stream me dit, monte le son. Ok, c'est beau, je monte le son. Bon, mais c'est ça, donc, fait que ça a été une semaine de relax côté sortie, mais Boy Erased, très, très hâte de le voir. Là, tu m'avais Sinon, j'ai reçu. envoyé le livre de Boy Erased. Je l'ai pas encore lu, là, mais je l'ai. Ouais, c'est ça, on avait reçu des livres Par le à réalisateur partir. de Gift, Ouais. Puis Joël. sinon, j'ai reçu des billets qu'on fait tirer pour Happy Dead Day to You. J'ai pas vu le premier. Il était comme sur ma watchlist. Puis quand je suis allé au cinéma cette semaine, ben, sur ma watchlist, c'était une curiosité à regarder. Là. Mon Dieu, Steven, tu fais donc une face. Non, je suis juste surpris que tu n'as pas encore vu le premier film. Pas que c'est Non, mais ça n'avait pas un donné. incontournable, là, mais Ouais, mais c'est ça. t'es mieux Puis, d'avoir avant le deuxième. Je dis ça ben, de même, là. surtout que là, je m'en vais au cinéma, tu sais, je m'en vais voir Glass, puis. Il y a bande-annonce parce que je n'avais pas encore regardé la bande-annonce parce que je m'étais dit, ah, d'un coup, qu'elle spoil, tu sais. Puis là, je fais comme, regarde, je ne regarderai pas la bande-annonce, là. Mais clairement, tu sais, là, je me disais, ouais, c'est la bande-annonce du 2, c'est une affaire. Le premier, c'était un genre de whodunit, là, tu sais. Fait que c'est clair que je vais savoir dans la bande-annonce du 2 qui c'est qui a tué dans le premier. Mais si je ne le vois pas, c'est correct. La fille dans la bande-annonce nord, tu sais. Ouais. L'année passée, je répétais toujours la même journée. Et à chaque fin de journée, je me faisais tuer par quelqu'un qui était avec masqué. Finalement, il s'avéra que c'était blablabla. Le char, calice. Je regardais pas pourquoi me faire spoiler, elle le dise. Ouais, mais Seb, faut que tu fermes les yeux puis tu bouches les oreilles. C'est ça le Ouais, là, truc. mané. Ben quoi, à un moment donné, tu vois, Mané. si tu l'avais fait, t'aurais pas eu de spoiler? Il faudrait que j'aie bouche en salle d'un cinéma quand même. Ou je chante à tue-tête, le monde me trouve désagréable. La, la, la, la, la! Le gars, il est normal. Claude Poirier qui demande Michel Gondry puis Jim Carrey n'avaient pas travaillé ensemble sur Eternal Sunshine. Yes, en effet. Et dans le court-métrage, je me souviens pas c'était quoi le court-métrage, mais c'était Jim Carrey qui était sur un lit Il pilotait un lit, puis il était déguisé en Elvis, puis il s'en va tanker son lit d'une station-service. C'est juste ça le court-métrage, c'est vraiment innocent. Mais c'est du Michel Gondry qui délire avec Jim Carrey, probablement d'une nuit, qui ont comme fait « Hey, on fait du court-métrage, une idée de malade. Ok, good. » Donc, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. On va tout de suite commencer cet épisode en force. GF, Ah oui, tu je veux que tu nous parles d'une série. J'espère que cette fois-ci, on est tombé sur quoi de bon. Parce veux. que dans les derniers épisodes, j'ai l'impression qu'on t'a fait peur. Là. Puis là, il va revenir au cinéma, GF. Plus jamais Il est écouté pas de film. chanceux, il est pas chanceux. Ouais, ben non, Surtout que cette ça. fois-ci, La loc bon a pays. peut-être changé. Je vais le montrer à l'écran, c'est Succession. C'est de HBO. Puis c'est ça, je n'avais jamais entendu parler, moi, personnellement, quand tu me l'as envoyé, ça. Puis C'est ça, ma blonde non plus, puis tu sais, on c'est quand même au courant de ce qui se passe à la TV de gros, là, mais non, j'ai pas entendu parler, puis c'est avec des gros noms, là, tu sais, déjà, sa couverture, je voyais Brian Cox, qui est un acteur, vraiment, tu sais, un acteur qui d'un certain âge, puis qui est vraiment très bon, c'est, si vous en rappellerez peut-être pour avoir joué le premier animal lecteur au cinéma, dans Manhunter, en 86. C'est vraiment un très très bon acteur. C'est l'histoire en grosse succession. C'est une série sur la. Ça se passe dans le monde de la finance. C'est une famille. On suit une famille. On suit le père, puis ses quatre enfants, puis les gens qui sont autour d'eux. Le père est à la tête d'un empire médiatique. Puis ses enfants, ben, il y en a un de ses enfants qui essaye de faire un genre de coup pour prendre la place du père parce qu'il trouve que le père prend pas des bonnes décisions. Puis t'as les trois autres frères et sœurs qui sont tous fuckés, plus les uns plus que les autres. C'est tous des enfants de riches, tout du monde extrêmement riche, puis qui sont. Tout le monde dans la famille manque un peu d'empathie, manque un peu de connexion avec des vrais êtres humains. C'est tout du monde fucké. Puis des enfants, c'est vraiment le fun. T'as des acteurs, t'as Alan Rock, qui était le meilleur ami de Ferris Bueller dans Ferris Bueller, je sais pas si on voit Oh yeah. sa pochette, mais il est rendu vieux, c'est Alan Rock. T'as Sarah Snook, qu'on avait vu dans Prédestination avec Ethan Hawke. T'as Kieran Culkin, le frère de Macaulay. Il est vraiment très bon là-dedans. Puis t'as Jeremy Strong aussi, que je connaissais pas, mais qui me fait tomber sur le cul là-dedans. Là. Honnêtement, là, c'est à des milles des autres séries que j'ai regardées jusqu'à date, là, pour le 2 semaines comme Instinct, puis la série sur Trump. Là, on est dans une série de c'est des adultes, là. On parle. C'est du stock d'adultes, là. C'est du stock sérieux, là. Je sais pas par où commencer. C'est fucking beau, premièrement. C'est tourné sur pellicule. Moi, j'adore tout Ah ouais. l'aspect visuel du film. De la série, c'est tourné sur du film. C'est super beau. C'est tourné. C'est ça, le jeu des acteurs est incroyable. L'écriture là-dedans est super bonne. Moi, j'étais embarqué. Ça a pris 5 minutes, puis j'étais embarqué. Ma blonde, ça a peut-être pris un petit peu OK. plus de temps, mais moi, j'étais comme, je veux savoir où ça s'en va. Je veux. Tu sais, j'adorais le ton. J'adorais. Puis, je vais le dire, je ne sais pas pourquoi, mais je suis fasciné par cet univers-là. Parce que moi, ma série, j'en parle pas souvent, mais ma grosse série préférée des dernières années, c'est Billions. Une série avec Paul Giamatti puis Damien Lewis. La 4e saison commence bientôt, c'est de la bombe, cette série-là. C'est. Je pensais que t'allais dire Dallas. Non, mais peut-être qu'à l'époque, j'aurais aimé, mais je ne l'ai pas suivi, j'étais trop jeune. Mais Billions, sérieux, là, si vous voyez ça, je sais que Jesse Youngtill l'écoute, puis il aime ça aussi, c'est super bon. Mais c'est ça, Succession, au début, j'étais comme, ouais, c'est du sous-Billions, mais c'est bon, mais tu sais, c'est pas au même niveau. Puis après le 10e épisode, j'étais comme, oh, c'est malade, c'était extraordinaire, puis j'en veux OK, ah plus, ouais. puis il y a une saison 2 qui s'en vient, puis je suis comme, j'en veux plus, tu suis cette famille-là, de fucky, là, puis sont toutes le fun, il n'y a pas de personnage. Je peux pas dire vraiment qu'il y a un personnage principal. Tu suis surtout le personnage de Jeremy Strong. Son personnage s'appelle Kendall, qui veut faire le coup contre son père. Mais les autres sont tous aussi importants. Puis ils ont chacun leur personnalité. T'as le gars qui fait ben Alan Rock, je disais l'ami de Ferris Bueller. Dans Ferris Bueller, c'est le fils le plus vieux. Puis lui, il est complètement déconnecté de la firme, de la compagnie, de la familiale. Fait qu'il vit dans son petit monde de riches. Puis il vit sur un ranch parce qu'il fait rien de ses journées. Puis t'as Sarah Snook qui, elle, est mariée à un gars là, qui travaille pour la compagnie, mais qui est fucké au bout. En tout cas, c'est vraiment dur à expliquer ce gars-là. Comment est-ce qu'il. Faut le voir. J'en parle tout de manière débraillée, mais c'est. En bref, il faut surtout retenir que c'est super bon. Kieran Culkin, je J'ai l'avais retenu. dit, il est vraiment trippant. C'est l'enfant un peu. Celui qui fout rien de bon. C'est le plus jeune, puis c'est lui qui est un petit bon à rien de la famille, là, qui sait rien faire, puis qui essaie de se mêler aux affaires des adultes, mais qui est pourri dans les finances et tout ça, là, puis qui connaît rien là-dedans. Puis c'est ça. Où c'est que je voulais aller? Ben, le premier épisode est réalisé par Adam McKay. Je vais aller dans les points plus importants que je voulais pas oublier de mentionner. Mais Adam McKay, c'est lui qui a réalisé le film de Big Short il y a quelques années, puis qui s'est ramassé aux Oscars. C'est un film dans le monde de la finance Oui. aussi. Fait que le premier épisode est réalisé par lui. C'est lui qui place le ton, qui place le côté visuel. Puis tous les autres réalisateurs du reste de la saison, ben, imite un peu ce ton-là avec des zooms des fois sur les personnages. Ça peut tomber ses nerfs un peu, les petits zooms, mais caméra à l'épaule souvent. Puis, mais le côté visuel, comme je disais, la pellicule, tout ça, le grain dans l'image, c'est super beau. La musique est de Nicolas Britell, qui a fait la musique de Big Short aussi. Mais je parle de Big Short, mais je ne l'ai même pas vu, là, mais ça me donne le goût de le voir à fond, là. La musique, elle m'a vraiment. C'est très rare que dans une série, la musique venir me chercher, mais là-dedans, elle m'a vraiment marqué. Je la trouvais vraiment particulière, puis bien placée, puis bien. Je vois bien faite, la musique. Elle était bien, bien. Des belles compositions, puis ça fit bien avec ce qui se C'est bien passe. intégré. Oui. Des beaux instruments. Oui, c'est ça. Bien J'ai propre. nettoyé, son propre. C'est ça, ils sont bien propres. Mais non, non, je me perds. Sa petite valve là, qui recueille la bave est bien vidée. Là. Bien astiquée, bien, oui. Mais non, non, j'en parle un peu de manière un peu décousue, mais c'est une série qui m'a rendu extrêmement heureux de voir ça, puis de ta gueule, série. Désolé, je suis pas sûr de C'est comprendre. drôle. Ta gueule. Ça, c'est de la maltraitance envers les femmes, ce que tu fais là, Jeff. Mais ça me rend triste de ne pas en avoir entendu parler, puis j'ai pas l'impression que ça s'est rendu tant que ça d'un gala. Tu sais, comme d'autres séries comme Sharp Objects ou Ouais, comment comme. ça se fait qu'on n'a pas entendu parler de Je sais pas, pantoute. Je sais pas. Pourtant, c'était une série qui passait le dimanche soir à HBO, puis c'était supposé être high profile avec des gros. Quand même des grands. ça? Ouais. Des noms pas pire, plus que pas pire, là. Ah Mais ouais. non, non, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le sujet qui attire pas le monde en particulier, mais je. Ou c'est-tu parce qu'il y a trop de bonnes télé? Il y Qu'à un a moment ça aussi. donné. Il y a ça Il y a trop aussi. de séries. Il y a trop de séries. Fait, tu sais, des fois, il y a beaucoup de séries qui se font annuler, pas parce que la série est pas bonne. C'est vraiment juste que le public est pas là. Il écoute d'autres choses. Ouais, puis c'est super fragmenté. Puis tu sais, pour HBO, ben là, faut que tu t'abonnes à Crave au Canada pour avoir HBO au Canada. Ou ben tu l'ailles sur le câble, peut-être. Je sais que tu peux avoir HBO. Faut que tu. Tu sais, c'est ça. Si tu t'abonnes à Netflix, t'abonnes à toutes les autres, là. Ça J'oublie revient les noms. cher. Mais ça revient cher, là, tu sais. Ça vient un peu chiant de tous ces services-là. Amazon, tout ça, tu sais, de tout fragmenter, puis tu sais plus où regarder la TV, puis ça en fait Dans beaucoup, ton c'est ça. salon, regarde-la là. Non, mais c'est ça, tu Tu sais plus où regarder la télé. Elle est t'entends. là, regarde! Tu vois des articles, tu vois des trucs, des reportages sur toutes les séries qu'il faut regarder, puis c'est comme, il y en a ben trop, puis. Pourtant, c'est pas long, c'est juste une dizaine d'heures, dizaine d'épisodes, puis en même temps. Juste une dizaine C'est pas d'heures. long, c'est juste une Man, dizaine. c'est quatre films. Ben, c'est quand même pas loin de 10 heures, parce que c'est 56 minutes par épisode, c'est quand même pas loin de 10 heures. Mais non, non, tu sais, mais c'est pas long comparé à d'autres affaires, tu sais, c'est pas des saisons de Lost non plus, là. C'était cette époque-là où les séries avaient des épisodes de 40 minutes puis des 22 épisodes par saison. Ouais. Genre Lost, Fringe, puis ces patentes-là, ce Mais on que était toi, t'étais comme moins. « Mais arrêtez les fillers, s'il vous plaît! » Ça n'a pas de rapport. Mais il y a ça, mais on était moins porté à regarder tout ce qui passe à la TV parce que c'était pas de la quality TV, c'était pas tant que ça. Il n'y avait Non, pas. on avait quoi, deux, trois bonnes séries dans une saison de télé, là, tu sais? Blaster, Comme deux, t'as. trois séries qu'il fallait que t'écoutes, là, pas plus. C'est ça, mais à cette heure, tu vas avoir des séries que le premier épisode va être réalisé par Scorsese, je pense à Boardwalk Empire, puis Vinyl. Tu as des séries réalisées avec Steven Soderbergh, t'as un tel, dans celle-là, t'as Adam McKay, t'as tous les gros réalisateurs qui viennent à. Fait que là, le monde, sont comme, hey, c'est de la qualité, ça, là, tu sais, faut regarder ça, puis. Mais ça en fait beaucoup, c'est une grosse charge, là, ses épaules. Là, tu vois, il y a Claude Poirier. Claude, je l'aurais dit Claude. Poirier, Ouais, t'arrêtes pas de je dire le dis Claude vite, Poirier, là, ça tu sais. en C'est pas Claude Poirier qui est sur le chat, évidemment, fout. c'est Claude Poirier. Il dit, imagine avec la plateforme de Disney qui s'en vient. Tu Ah oui, c'est sais. ça, tu sais. Ça aussi, il va y avoir de la production là-dessus, là. Puis il y Puis de avait la grosse. la plateforme de Criterion, mais ça c'est des films, mais tu sais, qui a arrêté, mais qui veulent repartir quelque chose d'ici l'an prochain, je pense. Oui, puis Canada. Canada cette Mais là, fois-ci. en Non, plus, non, ça, non. tu penses même pas aux affaires québécoises, là, ou Tout.tv, puis tout ça finit plus, là. Non, non. Ceux qui ont Non, non. Illico, ben, t'as Illico, t'as plein d'affaires là-dessus aussi, je pense. Fait que. Faut juste que tu fasses des choix parce qu'il y a trop de variétés. Fait que c'est rendu difficile, là. Tu peux pas tout voir. Non, non, Mais c'est tu vois, là, ça. regarde, comme là, je viens de me faire. Aujourd'hui même, j'ai coupé le câble. OK. Fait que là, j'ai plus d'Internet. J'ai coupé le câble. Non, mais j'ai coupé le câble et le téléphone. C'était un move que je voulais faire depuis longtemps. Puis on a comme décidé de faire quand on s'est rendu compte que ça faisait 3 mois que la seule affaire qui avait joué sur notre TV, c'était MasterChef Australie. On a comme fait, ouais, 100$ pour écouter MasterChef, je sais pas. Non, mine de rien, écoute, j'ai quand même baissé ma facture de 60$ par Ah, mois. ça paraît. Hein. Ah ouais, ça paraît. Là, je m'abonne à tout! Finalement, ça a rien changé. Donc, non, c'est ça, là, on va comme voir là, avec les quelques services qu'on a. Tu sais, Tout.tv a quand même un côté qui est gratis. Oui. Télé-Québec aussi. Tu sais, Oui. fait, d'après moi, on va être correct. Là, tu sais. Tout ce qui est AV, tu Mais peux c'est ça. l'avoir en ligne aussi, en tout Tout est AV aussi. Tu sais. TVA, on n'écoute pas ça. non, fait que c'est ça. Vicky qui dit je peux même pas avoir Frisson TV sur ta belle. Voyons donc, tu peux avoir Frisson TV sur ouais, ta il est rendu sur Bell depuis un bout, Vicky. belle. Ouais, ça fait un méchant bout. Mais seulement, c'est ça. Ça, c'est peut-être celui que je vais le plus m'ennuyer. Mais ouais, c'est ça. Ça Mais en fait du bien quand même au portefeuille. c'est ça, j'ai l'impression d'avoir fait une job, tu sais, comme, en tout cas, tout croche comme je fais là, souvent, là, mais parce que je prends pas de notes puis mes idées sont toutes confuses. Mais sérieux, de succession, si vous Arrête, le avez. arrête de te rabaisser. Non, non, mais tu sais, c'est pas grave, là, je dis pas. Je vais pas pleurer à la fin du show, là, je m'en fous, là. Tu nous ferais ça un Pleure unboxing? déjà. Hein? Pourrais-tu nous faire un unboxing de la pochette, s'il te plaît? Ouais. Je trouve ça Oh con, là. boy, C'est comme. ça c'est gros Non, mais ça, mensonge. honnêtement, là, je Non, mais comprends t'as pas. peu, embarque dans le Je game. comprends pas cette affaire-là. C'est comme, mais va te l'acheter si tu veux le voir absolument. Oui, mais non, mais ça, c'est. Comment expliquer? C'est le collectionneur en toi qui vire fou en voyant ça. Regarde, t'ouvres la pochette, puis il y a des disques. C'est-tu pas Oh merveilleux? shit! Regarde. Il y a des Il y en disques. a combien, puis ils sont Il noirs! y en a trois, il en Yeah! manque peut-être un parce qu'il est dans le lecteur encore. Sûr, c'est plus. Par contre, c'est vrai, je suis d'accord avec Jeff que les unboxings sur certains trucs, c'est inutile, mais exemple, j'aime bien ceux-là sur les éditions de Arrow, Criterion, parce que tu sais, Ouais. c'est vraiment des belles éditions avec des livrets, puis tu veux voir le coffret à l'intérieur un peu, Ouais, parce là. que tu sais que tu ne l'achèteras pas. Quand tu Ah non, faisais. toi, oui, tu vas te l'acheter. C'est vrai. Mais Steven, quand tu faisais, puis c'est pour plugger un peu notre chaîne YouTube de bras de fer des films que personne ne va voir, mais quand tu faisais des unboxings de trucs de tes boîtes d'horreur, tes Oui. boîtes Ah de. ouais, c'est vrai, ouais. Ça, c'était le fun. T'sais, on découvre ce Ben qu'il y a oui, mais dedans, puis c'est ça, c'est j'ai un un clic unboxing, c'est d'unboxing une de Loot boîte. Crate. C'est une boîte de surprise. Alors, parce D'ailleurs, que la personne c'est vraiment elle-même, elle sait pas débile. qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais, mais là, c'est vraiment débile. Là, sur YouTube, ils sont next level sur les boîtes à surprise. Là. De ce que j'ai compris, tu peux acheter sur Amazon ou eBay ou peu importe, des boîtes surprise, genre, où ce que tu sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Wow. Genre, ils garantissent un 500$ de stock, puis tu payes 250$, tu sais. Fait le monde, ils font des unboxings de tout ça, mais là, t'es comme, hey, mais man, tu fais avoir, tu sais même pas ce qu'il va avoir. C'est vraiment lourd, mais c'est, écoute, ça pogne, là, comme ça, pas de stitch de bon sens. Fait que, Ben, il y a beaucoup de c'est choses qui ça, pognent sur unboxing. YouTube, puis c'est peut-être là que je montre plus mon âge, mais je suis comme, ah, j'embarque pas dans ces trips-là. Ça dépend. Mais c'est ça, je vais juste finir en disant, ben, tantôt, je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'organiser, mais pour l'affaire Thierry, mais j'ai le code digital de succession. Fait que je sais pas si je vous l'ai vendu, mais. Puis là, je l'ai pas montré. Non, je l'ai pas montré. Puis c'est ça, je l'ai peut-être vendu, mais en tout cas, j'espère que quelqu'un est Je l'ai déjà intéressé. utilisé, tu me l'avais donné. Hey, j'ai dit Steven, c'est sûr qu'il va l'écouter. Écoute toutes ces séries. Ah ben. C'est vrai? S'il y avait Maintenant, un gars à j'écoute toutes qui mes tu peux séries. donner un code d'une série, puis t'es sûr que ça culminera pas la poussière, c'est bien Steven. Ben écoute, Jeff, je suis content qu'enfin on ait eu quelque chose et on saura Non. que quand ça vient d'HBO. Ah, moi, c'est. Puis, Hein? ça me surprend, mais il n'y a pas de cul là-dedans. Ça va peut-être Ben ouais. décevoir du monde, là, mais c'est HBO, puis il n'y a pas de Et nudité. C'est bon, bizarre parce ça y que, tu est, sais, pourtant. le chat vient de disparaître, il C'est n'y a plus ça. personne qui nous écoute. C'est Mais. rare les séries. Ah, cette Cette lettre-là. It's not porn, it's HBO. As-tu déjà vu Mais. du court-métrage de ça? Ah, Non. je Non? pense que oui, It's not mais. porn. Cherchez sur Google, mais vous tomberez sur rien de. Ouais. C'est ça. Ou sur YouTube, là. It's not porn, it's C'était HBO. pas C'est genre des. Funny or Die. Non, c'était pas eux Ouais, autres. je pense que ça se Ouais. peut. Film Funny or Die, ouais. C'est quand même ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi pour finir là-dessus? Non, mais c'est ça, tu sais, ma blonde a pas tant de temps que ça pour écouter des séries non plus pour. pour écouter tant que moi. T'sais, ça fait des mois que j'essaie de faire écouter The House on Haunted Hill, puis ça n'a pas encore à donner. Mais ça, elle l'a écouté, puis elle a été accrochée tout de suite. Puis c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. On était sur le bout de notre siège, puis. The Haunting of Hill House. Ouais, exact. C'est pas grave. C'est grave. Mais non, mais écoute, c'est ça. Là, je veux dire, mais regarde, on a. Là, on a commencé, je voulais étudier, on a commencé à décider ça. Tu me l'avais dit, oui. Oui, ok, je l'avais dit. Mais je ne me rappelle pas si je l'avais dit dans le podcast. Oui, dans, tu l'avais dit. Dans ok. Dans le podcast, je ne sais pas, tu me l'as dit, en, tu l'as dit ouais. Sur le chat, je pense. Je ne pense pas. En tout cas, peu importe. Puis là, tu sais, là, j'ai comme voulu écouter une autre série, puis là, j'étais comme, là, si j'attends en plus ma blonde pour qu'on finisse This Is Us, pour qu'on commence une autre série, alors je finis plus, là. Je commence l'année prochaine. Ah, attendre après quelqu'un, c'est dole, là, tu sais, comme... Puis tu peux pas régler... Ouais. Tu peux pas setter ton rythme d'écoute non plus comme tu veux, là, tu sais. Non, c'est difficile en salle. C'est pour ça que c'est préférable. T'en suis une à deux en couple, puis t'en écoutes d'autres que tu sais que c'est correct d'écouter tout seul. C'est pas mal ça que je fais. Exactement. Mais des fois, je vais me coucher. Moi, je vais me coucher plus tard, puis tu sais, ma blonde, elle va se coucher. C'est comme, OK, je vais écouter quelque chose par moi-même, tu sais. Mais je peux pas... C'est ça, s'il y a des séries que je voudrais écouter avec elle, ben, faut que j'attende, tu sais. Mais des fois, tu fais comme « Ah, mais je vais l'écouter tout seul. » Puis ta commande, tu fais comme « Ah, elle va vraiment aimer ça. » Elle, ouais, pas... ça m'arrive souvent, ça. Succession, j'ai pas eu besoin d'être insistant. Mais à tous les soirs, c'était comme « On écoute ça? » »« Oui, OK, c'est bon, on écoute ça. » C'est comme « Yes! » Puis, tu sais, on savait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Fait que non, c'était vraiment le fun. Puis, chaque épisode, je l'ai pas dit, mais... Chaque épisode, c'est le fun parce qu'il est centré autour d'un événement comme le deuxième épisode se passe à l'hôpital. Je ne veux pas rien spoiler, mais le deuxième épisode se passe dans l'hôpital. Troisième épisode, à telle place. Quatrième épisode est autour d'un autre événement aussi. Puis, tu sais, il y a tout le temps, il y a un mariage à un moment donné. Il y a, en tout cas, il y a une sorte de. Il y a une unité de lieu puis de temps dans chaque épisode. Puis, ils prennent le temps quand même d'aller au fond de chaque des répercussions de chaque affaire qui se passe. T'sais, c'est ça qui est le fun. C'est une série qui prend quand même son temps, mais que. Ça vaut la peine d'être vu, puis c'est jamais plate, c'est, vous êtes sur le bout de votre siège tout le long, vous êtes avec les personnages, puis vous, on les aime, puis on les haït tous en même temps, puis non, c'est le fun. OK. Ah, cool. Ouais. Excellent, ça. Ça donne le goût, même si... Trouve-moi du temps, puis je l'écoute. Commence par finir des Césars, hein? Steven, ton tour. Yes? Qu'est-ce que tu vas nous parler? Ça vient de quel pays? Puis c'est un remake bizarre de quel film? Là, c'est Lady Shining! Parce que... Non, c'est pas vrai. Non, j'ai écouté un petit slasher du nom de Hellfest. Oui! Vous n'avez peut-être entendu parler, ça a eu une sortie limitée. Pourtant, c'était distribué par... On avait fait un concours? On a fait tirer des billets pour la première. Nice! Ben, en fait, ils jouaient dans un seul cinéma, je pense, au Québec, puis c'était à Montréal, justement. Petite sortie limitée, pas de traduction, puis je vous le dis tout de suite, c'est impossible à trouver en DVD Blu-ray au Québec, puis si vous allez sur Amazon, c'est pas en bas de 45$. Je sais pas pourquoi. Même si c'est assez d'avoir l'import, ça coûte très cher, fait qu'à guess que sur eBay, c'est pas tab, mais je sais pas. Ce film-là, c'est très difficile à aller acheter. Sinon, ben, aller sur iTunes, c'est là que je l'ai loué sur iTunes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Hellfest, ben, c'est un slasher qui se la joue un peu dans le monde old school années 80 qui va se dérouler dans une fête foraine du nom de Hellfest. C'est un gros festival, une genre de ronde, sauf que c'est juste thématique horreur avec juste des maisons hantées. Puis dans différentes sections du parc, tu as des thèmes, je sais pas moi, les cannibales, ci ou ça. Mmh. Fait que c'est vraiment gigantesque. Puis t'as un groupe de jeunes qui décident d'aller passer une nuit là, puis faire le party, évidemment. Et il y a un tueur masqué qui, lui, pour lui, c'est l'endroit rêvé. Il peut mettre son masque, puis traquer des victimes, faire peur, puis en tuer, parce qu'il y en a beaucoup qui vont penser que ça fait partie du spectacle, que c'est du acting. Fait qu'il va s'en suivre une poursuite entre le tueur et la gang de jeunes qu'on suit. Fait que c'est très typique, mais je suis quand même un amateur de slasher, puis je vais vous dire tout de suite, les 30 premières minutes, je tripais parce que j'adore beaucoup la thématique fun house et on n'a pas eu beaucoup de films là-dessus. Puis les quelques films qu'on a eu, c'est des films cheap. Je vais revenir sur Hell House LLC. Ça a un peu la thématique Halloween, fun house, où tu peux écouter ça dans le temps d'octobre, c'est cool, mais tu sais, c'est plus ou moins ça, tandis que Hellfest, tu sens qu'il y a un budget derrière ça. T'as vraiment le potentiel du décor qui vaut de l'or là-dedans. C'est vraiment fantastique. Puis ça me rappelait beaucoup un peu le Funhouse de Toby Hooper. J'aimais beaucoup ce genre de décor-là. Puis ce qui est le fun, c'est que l'intro te met tout de suite dans le mood avec un premier meurtre dans l'établissement qui arrive un an avant. Ça, c'est une incohérence que je trouvais ça bizarre. Il y a eu un vrai meurtre, mais il rouvre le parc encore l'année prochaine, en tout Okay. cas. Puis c'est ça, puis les personnages sont le fun à suivre. Normalement, ça arrive souvent qu'ils gossent. Là, je trouve que la gang de jeunes était quand même sympathique à suivre. Puis t'avais la jeune héroïne de la série Scream saison 1 qui joue là-dedans, elle avec les cheveux courts. Sauf que j'ai trouvé que c'est le seul personnage qui surjouait un petit peu. Elle y va vraiment à fond, puis ça gosse, mais globalement, les autres personnages sont agréables à suivre. Les acteurs sont quand même pas mauvais. Puis le réalisateur prend le temps de te mettre dans le mood. Visuellement, c'est vraiment pété, beaucoup de couleurs. Puis t'as tout le temps des personnages, des créatures qui sortent devant la caméra. Fait que t'as un peu le feeling comme si c'était toi qui visitais le parc. Par contre, après une demi-heure, j'ai remarqué que ça manquait d'un bon réalisateur derrière la caméra parce que c'est Gregory. Je vais juste retruquer son nom. En tout cas, on s'en fout de son nom de famille. C'est Gregory. Celui qui, son seul film qu'il a réalisé, c'est le Paranormal Activity Ghost Dimension. Oh yeah. Puis j'ai Oh trouvé qu'il a non. fait, puis j'ai trouvé qu'il a fait la même erreur avec ce film-là. Ce gars-là, je trouve que c'est un gars qui mise sur sa gimmick. Et il fait juste rien que sa mise en scène, puis il va se fier à son décor ou sa gimmick pour venir terrifier son public. Fait que dans Ghost Dimension, c'était la gimmick du 3D, fait que le fantôme, il apparaissait tout le temps en face de la caméra. Mais dans Hellfest, pendant 1 heure et demie, c'est des personnages déguisés qui sortent devant la caméra, qui fait puis c'est des jumpscares cheap de même qui devient redondant. Puis j'ai l'impression que le réalisateur passe à côté de quelque chose. Comme je dis, le décor vaut de l'or. Fait que, tu sais, entre les mains, je sais pas moi, d'un James Wan ou d'un autre, my God, il y aurait eu de quoi là, à créer des build-up de tension puis d'exploiter ce décor-là, mais je trouve qu'il fout rien avec. Fait que j'ai trouvé ça vraiment dommage pour ça, ce qui fait que le film perd du jus. Même les meurtres, au début, il y en a un ou deux vraiment popés, mais ça finit par un peu perdre d'énergie, ça manque d'inventivité. Mais somme toute, si vous êtes vraiment fan du genre, je crois que vous allez quand même trouver ça le fun. J'ai pas trouvé ça emmerdant. J'ai été diverti sur toute la durée, mais j'espérais peut-être un petit peu mieux, quoique j'étais assez excité lorsque la bande-annonce était sortie de l'affiche puis tout. Mais écoute, c'est quand même mieux que bien des slashers qu'on a eu dans les derniers temps. Mais juste baisser un petit peu vos attentes, je crois que c'est rien de franchement mémorable, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Surtout dans le temps d'octobre, je pense que ça pourrait être un film agréable à écouter pour se mettre dans le mood de l'Halloween. Avec du monde qui sont moins habitués à l'horreur, genre. Ben moi, habitué à l'horreur, c'est vraiment du slasher typique là, avec les codes. La seule différence qui apporte un vent de nouveauté, c'est vraiment le décor et le fait que ça se déroule dans un funhouse. Tu sais, t'as un caméo de Tony Todd là-dedans, hein? Puis c'est Tony Évidemment. Todd qui joue Tony Todd. Là. Tu sais, je veux dire, il joue le creepy guy Qui est qui averti présente. de quelque chose. Non, même pas. C'est juste le gars qui prépare un spectacle avec une guillotine. Puis, tu sais, je voyais ça, puis j'étais comme crime. On dirait que Tony Todd joue le même personnage que dans le premier Hatchet d'Adam Green. Ça a l'air du même gars. C'est vraiment identique. Mais sinon, en dehors de ça, c'est agréable. Allez-y. Ben cool. Tu vois sur le chat, on a Rico et Pascal qui avaient gagné des billets pour aller le voir. Cool. Et Rico il dit que il était 100% d'accord avec ta critique. Puis Pascal il dit qu'il avait trouvé ça divertissant, mais maudite finale. Ben, la finale, le genre de. Il est un peu anticlimatique, je trouve. Tu sais, la Final Girl avec le tueur, j'ai pas trouvé ça vraiment à la hauteur. Fait que. OK. Bon, ben, on va le Premier, comme garder tu dis, comme. première moitié, je trippe, deuxième moitié, c'est plus neutre. C'est bon. Ben, écoute, on va le baisser de position dans la watchlist. De toute C'est con parce que, façon. tu sais, je repense à The Stranger 2, puis. Ouais. Il y a tellement de défauts à mentionner dans Stranger 2. T'sais, je trouve que les personnages sont beaucoup moins agréables que dans Hellfest, tout ça, mais au moins dans Stranger 2, tu as un travail de mise en scène, tu as un travail de photographie, puis tu as vraiment des moments où tu te dis, OK, tu sais, la scène de la piscine, tout le monde s'en est rappelé en 2018. C'était comme un des meilleurs moments d'horreur qu'on a eu. Tandis que dans Hellfest, t'as pas une scène que tu vas dire, ah oh oui, ça, on va s'en Ouais. rappeler. Non, c'est vraiment juste une succession de moments cool, mais rien de mémorable. Bon, ben écoute, c'est bon. Sorry. Moi, je vais y aller avec ma nouveauté de la semaine. Tout de suite, casser, briser le bal avec le avec glace, je vais briser la vitre, je sais pas trop comment dire ça. C'était facile d'aller dans les mauvais Oui, jeux je sais, hein. Je de sais, c'est un mauvais jeu de mots, mots. hein. Steven, tu l'as-tu vu finalement? Ouais, je l'ai vu hier. Bon, j'imagine que tu peux pas en parler à cause de séance de minuit. Non, j'ai prévenu Marc-Antoine de pas écouter l'épisode. Fait que, tu sais, j'ai pas Bon. en dit ça un mot, mais je vais pas beaucoup en parler pour la simple raison que, fuck, parler de glace sans entrer dans les spoilers, Ah, c'est c'est crissement dur. C'est difficile. vraiment dur. Mais tu fais ça parler d'un Shyamalan sans tomber dans les spoilers. Il y avait peut-être de visites que ça se faisait bien. Mais malgré que Split, ça se faisait bien. Mais Mais. celle-là, je trouve que c'est vraiment difficile. OK. C'est. Ouais. Bon, okay, tout le monde le savent, Glass est le troisième film de la trilogie Unbreakable, Split et maintenant Glass, c'est la trilogie surprise. Il dit, c'est un film qui m'a pris 19 ans à faire, mais j'ai comme pas l'impression que ça y a pris 19 ans à faire, ce film-là. Quand même, là, j'ai pas le feeling que ça fait 19 ans qu'il travaille sur le scénario de Glass. Je pense que le succès de Split a fait en sorte qu'il a pu se rendre à faire ce film-là. Pense que En c'était tout cas, déjà tu sais. prévu quand il a écrit Split, je pense. Oui, oh, Tu sais, non, quand, oui, c'est ça. Mais tu sais, il a quand même pu le faire. Puis, tu sais, mais tu sais, je pense pas qu'avant Split et tout ça faisait déjà 19 ans qu'il pensait à Split et à Glass, là, tu sais. mais je pense qu'il était juste pas prêt. D'après moi, il attendait le bon moment. Puis là, avec les films de super-héros qui se battent son plein depuis genre plusieurs années, je pense qu'il a peut-être vu un moment qui s'est dit, OK, ça me tente de revenir là-dedans. Là. Donc, bon, Unbreakable, c'était Bruce Willis qui était l'homme indestructible. Et bon, est-il un super-héros ou pas? Bon, ça finissait que son. Il annonçait à son fils qu'il avait décidé de prendre son rôle de super-héros. Dans Split, James McAvoy jouait ce personnage à multiples personnalités. Puis tout le long du film, on nous annonçait qu'une des personnalités allait probablement le changer physiquement et en faire quelqu'un, une bête. Ben, je pense que sa personnalité s'appelle la bête, Ouais, d'ailleurs. The Beast. The Beast. Puis il allait devenir une bête. Et à la fin, on découvrait que c'était dans le même univers que Unbreakable. Donc on savait que Bruce Willis allait se mettre à le traquer. Et bon, ben, Glass. C'est le film qui est supposé d'être centré sur le personnage de Samuel Jackson et tout ça, qui était l'homme de verre à la fin de d'Unbreakable, qu'on réalisait que finalement c'était le vilain caché depuis le début. Il avait comme causé des accidents pour essayer de trouver quelqu'un qui était comme son opposé, quelqu'un qui allait être justement, qui allait être un indestructible. Donc si lui il avait son némésis, son opposé, ça lui donnait un sens à sa vie. Donc, c'était un peu ça, la finale d'Unbreakable. Et là, dans Glass, c'est ça, on repart avec ces trois personnages-là. Et rapidement, ces trois personnages-là vont se retrouver c'est un asile psychiatrique, un hôpital psychiatrique, je sais pas trop. Un hôpital psychiatrique C'est pas mal un hôpital psychiatrique, ouais. dans une aile spéciale, tous les trois enfermés là. Et y a une psychologue qui va tenter de les convaincre. Ils ne sont peut-être pas des super-héros qui sont ou en tout cas des personnes avec des pouvoirs spéciaux. C'est peut-être juste des humains bien normaux avec un peu de vision des grandeurs. T'sais. Elle va essayer de dire à Bruce Willis que t'es super fort, mais c'est tout. Puis elle va dire à James McAvoy que quand tu deviens la bête, t'es pas si super humain que ça. T'as juste. Des talents que certaines personnes ont, mais tu as réussi à les développer. Puis l'autre, ben, tu es juste super intelligent. Et ben, rapidement, on va se rendre compte que M. Glass a un plan pour contrecarrer ça et montrer au grand jour qui sont des super-héros. En tout cas, c'est déjà là, on arrête d'en parler. C'est bizarre, mais il faut déjà arrêter de parler du synopsis. J'ai de la misère à aller plus loin dans le synopsis sans spoiler. Les 30 premières minutes, du film, moi, m'ont fait triper. Voir où ce que le personnage de Bruce Willis en est, c'est vraiment cool. De voir que son fils est comme devenu son petit sidekick qui le suit avec son petit headset puis qui lui donne des indications puis tout ça. J'ai vraiment trouvé ça cool. Le personnage de James McAvoy, c'est James McAvoy qui torche. Encore une fois, son personnage de Split, là, il maîtrise le switch de personnalité comme ça n'a aucun bon sens. Il y a certaines scènes qui sont assez hallucinantes, merci. Et ben, Samuel L. Jackson, son personnage, il est comme. Il commence un peu aphasique, je sais pas trop comment dire ça, mais t'sais, il est comme super drogué pour être. Parce qu'il se rend compte qu'il est tellement brillant qu'il en est dangereux, fait qu'il faut qu'il le drogue pour le rendre un peu Soit à terre. coma. Mais bon, à un moment donné, on sait bien qu'il va finir par redevenir lui-même, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est comme le personnage. C'est plate, c'est comme le personnage le moins. Ben, j'allais dire le moins intéressant, mais Bruce Willis, son personnage, dès qu'il rentre dans l'hôpital psychiatrique, c'est comme s'il n'existait plus. Je sais pas si tu as trouvé ça toi aussi, Steven. Le J'ai personnage de pas. Bruce Willis s'efface rapidement dans ce film-là. C'est. Je trouve. J'ai pas trouvé dans le sens que. Je pense qu'on a la tendance à avoir une mauvaise image de Bruce Willis, t'sais, depuis une couple d'années. Le gars est sur le pilote automatique, il joue dans beaucoup de DTV. Puis là, j'ai. Tu sais, j'ai le feeling qu'ici, quand tu as déjà vu Unbreakable ou tu l'as revu, tu sais, il joue déjà un personnage assez monotone, Non, très tranquille. Fait mais c'est qu'il s'efface tellement dans ce film-là à cause de ça. Tu sais, dans Unbreakable, on trouvait ça cool. Il y a plein de scènes où il n'y a pas de dialogue, tout est dans le non-dit. Mais là, tu te ramasses avec un personnage qui joue beaucoup dans le non-dit versus un personnage comme James McAvoy qui dès qu'il est dans la il est scène, c'est extravagant, lui ouais, qui mais prend c'est. toute la place, tu sais. Ah non, mais c'est sûr que c'est très John McAvoy show, mais en même temps, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les trois personnages puis leur utilité au film. Je trouve que chaque personnage a pareil ses moments. Puis, tu sais, Bruce Willis, le début, c'est quand même pas mal concentré sur lui, justement. Ensuite, on passe pas mal à Jim McAvoy, puis ensuite, on passe pas mal à Samuel L. Jackson. Fait que c'est pas mal le genre de trois actes, un peu, si on veut. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Le film était supposé être glace et j'ai pas trouvé que c'était glace tant que ça. Tu sais, je pense que bon, je l'ai dit quand j'en ai parlé à la radio. Quelqu'un qui n'a jamais vu les deux premiers ne devrait pas voir Glass, là. C'est moi, c'est important. Hein? C'est important d'avoir vu les deux autres, Ah, honnêtement, écoute, parce c'est. que la façon que son fils et Bruce Willis sont incrustés au début du film, Ah, c'est écoute. pris pour acquis que tu as vu Unbreakable, Ah là. non, c'est épouvantable. Puis, tu sais, sinon, le personnage de James McAvoy, tu comprendras pas. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi qu'il change de. Tu Non. comprendras pas s'il switch de personnalité pantoute, là, tu vas être comme tabarnouche. Puis tu sais, puis il parle de beaucoup de choses que tu es mieux d'avoir compris là, quand il. Pardon, le truc par rapport à dire son nom, si tu veux essayer de faire ressortir Mais cette c'est. personnalité-là, tu sais. Puis surtout pour le baggage émotionnel que tu peux Ouais. éprouver avec les personnages durant certaines scènes. Tu sais, si Ouais. t'as pas vu les autres films, ça va nuire, évidemment. Puis tu comprendras jamais qu'est-ce que vient faire le personnage de. Je me rappelle pas son nom, mais la fille qui jouait dans Split avec lui et Ouais, qui jouait dans exact. The Witch, tu sais, oublie ça. Tu vas vraiment pas catcher qu'est-ce qu'elle fait là et surtout tu catcheras pas trop pourquoi tout d'un coup elle ressent de l'empathie pour ce gars-là. Tu sais. Donc c'est ça, c'est clair que tu peux pas l'écouter. Puis je sais pas si pour quelqu'un qui a vu les deux premiers, si c'est la finale à laquelle il s'attendait. Moi non. Moi non. Je ne m'attendais pas à revoir un film qui allait encore me refaire Unbreakable, dans le sens que dans Unbreakable, le thème d'Unbreakable, c'était est-il ou n'est-il pas un super-héros? Alors que dans Glass, on passe une grosse partie du film à est-il ou n'est-il pas, ne sont-ils ou ne sont-ils pas des super-héros? Là, j'étais comme, ben, c'est ça qu'on a eu dans le premier film, peux-tu passer à d'autres choses, tu sais? Puis Split, c'était. Va-t-il ou ne va-t-il pas y avoir de beast à la fin, tu sais? Puis là c'était comme OK, bien là, la beast, elle existe finalement. Fait que, en tout cas, peu importe. Je trouvais que c'était très, très. C'était antiproductif comme film. C'était comme si tu faisais deux premiers films, puis le troisième film pesait sur le frein, puis tu faisais comme non, on n'avance plus. On arrête. Il se passe rien avant le troisième acte. OK, on peut y aller. J'ai vraiment trouvé que ce film-là avait pesé sur le frein bien raide. Puis vraiment, un moment donné, pendant le milieu du film, je me suis demandé, mais là, présentement, c'est quoi l'enjeu et l'histoire de ce film? J'étais pas capable d'accrocher sur une ligne directrice, là, tu sais. Mais ils se sont fait capturer, ils sont là, et là, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont des super-héros, faut que Monsieur Glass a un plan, puis c'est un plan machiavélique, faut pas que la bête soit sortie, tu sais, j'étais comme. le film n'arrivait pas à venir m'accrocher sur quelque chose. Puis quand le troisième acte est arrivé, là, j'ai eu l'impression que c'est parti en couille. Troisième acte m'a vraiment perdu. Dans sa filmographie, j'avais l'impression que le directeur photo avait pris le bord, qu'il avait été se coucher. Le setup de le troisième acte, j'ai vraiment trouvé plate. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment plate. T'sais. Je comprends que c'était très ancré dans un réalisme, mais c'est très anti-Marvel. Là. C'est tout sauf du Marvel. Mais j'ai trouvé ça excessivement plate. Alors que là, je vois Steven qui fait des faces, puis je laisse la parole à Steven. Écoute, le film, ça fait démolir parce que, écoute, c'est Shyamalan. Je pense que le film, ça fait plus démolir que qu'est-ce que c'est en réalité. Puis, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, je peux comprendre parfaitement pourquoi des gens vont être déroutés et frus parce que c'est pas le film que les gens ont dû s'imaginer en voyant le petit teaser. C'est pas un film où il va y avoir plusieurs endroits, plusieurs décors. C'est minimaliste au masque. Les trois personnages vont rester dans un seul décor, l'asile, pendant tout le long. Il y aura pas de grosses batailles, il y aura pas de gros effets. Puis même le troisième acte, qui te laisse quasiment croire que ça va finir à quelque chose de big, reste finalement encore plus minimaliste. Puis c'est bien correct, Chris. On a besoin. Je veux dire, quand... Écoute, il y a un moment, je peux pas le dire, mais il y a un moment où c'est supposé être ton moment climatique, là, ton moment intense, big. Tu sais que dans un Marvel, ça serait une bataille avec des immeubles qui explosent, mais c'est de quoi de tellement anodin, mais je tripais plus que les super-héros de Marvel qui sont en train de tout exploser une ville. Mais je suis pas d'accord que ça reste au même point et ça n'apporte rien de nouveau. Je trouve que Unbreakable, c'était juste en avance sur son temps quand c'est sorti. Ouais. Et c'était un film où ça déconstruisait les codes du film de super-héros. Et je trouve que avec Glass, Shyamalan tente de les reconstruire selon sa sauce à lui et ses goûts. Et je trouve que le film, il va dans des thématiques et des choses qui m'ont vraiment comme touché, surtout à l'époque en ce moment. Je trouve que la façon que la maladie mentale est traitée, puis c'est un peu ça, un peu le sujet de tout le deuxième acte au milieu, j'ai fini par croire, à embarquer là-dedans, puis à croire tout ce que la thérapeute leur explique. Ouais. J'étais en train de me dire, crime, on est en train de virer dans un drame. Dans un drame sur la maladie mentale, puis que c'est pas quelque chose de mal en tant que tel, c'est quelque chose qu'on peut aider puis soigner, puis c'était pas mal vu, c'était pas mal montré, c'était pas montré comme un monstre, puis j'étais comme waouh, j'étais vraiment surpris, surtout au niveau de l'écriture, dans les dialogues. Je trouve que Shyamalan est allé vraiment de façon intelligente dans celui-là, puis je trouvais que c'était beaucoup plus maîtrisé qu'un Split, par exemple, ou que ça touchait un peu ça également, et que c'était wrong par moment. Dans celui-là, je trouve que c'est tout le contraire. Et même le troisième acte, la façon que je l'ai perçu, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un genre de message et de symbolisme sur l'acceptation de la différence, puis ne pas se laisser marcher par un certain gouvernement. En tout cas, je veux pas aller, mais moi, j'ai vraiment perçu ça d'une façon que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment frappant. Fait que, si vous voulez en savoir plus ou vous avez vu le film, on peut écouter Science de Minuit. On va aller des spoilers à fond. Ouais, vous allez dans spoilers, vous vous gâtez. Moi, je suis obligé d'en tout ça. Non, je sais, je suis désolé. Ah, God, man, parce que sérieux, là, je pense qu'on aurait toute qu'une discussion à faire là-dessus. Parce que... Je suis d'accord que le troisième Mac est peut-être garoché dans le sens que beaucoup de stock. Puis ce qui me fait un peu chier, c'est que je sens que Shyamalan a voulu boucler la boucle avec Glass. Fait qu'il essaie vraiment de finaliser tout ça en one shot. Puis c'est beaucoup, alors que c'est tellement intéressant. Il y a tellement de personnages, tellement de stock, ça aurait pu avoir un autre film, ça aurait pu continuer. Je pense que c'est ça le problème. Moi, j'aurais pas dit non à un Glass 2 ou un autre nom parce que. Il essaie de finaliser avec tous les personnages en one-shot à la fin. Fait que je crois que c'est un petit peu garoché à cause de ça. Mais j'en pouvais plus des revirements. Il y en a un petit peu trop, je suis d'accord. Puis des invraisemblances que j'étais comme à foutre des trucs qu'il faisait exprès pour que son scénario avance, parce que sinon son scénario n'avançait plus. En même temps, je veux dire, Ça me gossait, là. je suis habitué avec ce gars-là, je m'attends à ce que ça fasse ça, puis je le savais que ça allait faire ça. Fait que, tu sais, je veux dire. Il faisait pas dans Split, puis il faisait pas dans The Visit. T'sais, ces deux derniers là, étaient The vraiment Visit, il l'a fait. T'as un gros. T'as quand même l'espèce de gros twist, là. Non, non, je parle pas de twist. Je parle de vraiment être obligé de forcer quelque chose dans son scénario pour être sûr que son scénario va continuer. Il y a des trucs dans la glace que tu fais comme ça n'aurait pas pu. C'est pas possible. Je parle pas de twist ou de trucs surnaturels. Mm-hmm. Je parle juste d'éléments de scénario qui sont tellement incongrus que tu fais comme c'est arrivé comme ça parce que sinon l'histoire s'arrêtait. C'est ça qui m'a gossé. Ben, en même temps, c'est pas un film parfait. Je crois que ça demeure. Je crois que ça demeure quand même le plus faible des trois. Oui, vraiment. Il y a des scènes que j'aurais peut-être enlevées. Mais je sais pas. J'avais tellement d'attentes envers ce film-là. Tu sais, toi puis moi, on en parlait, celle pour on disait que ça allait être vraiment chiant si le film était décevant. Puis on dirait que les critiques qui sont sorties, le score sur Rotten, m'ont tellement fait un genre de turn-off que tu sais, j'étais excité, mais vraiment, j'étais plus sûr. Que je suis resté accroché vraiment sur les grosses qualités qui m'ont frappé au courant du film. Puis en même temps, j'écoutais le film, puis je comprenais pas pourquoi le film était autant bâché. Je veux dire, c'est pas parfait, mais fuck, il y a beaucoup de qualités. Il y a vraiment des très bonnes choses là-dedans. Puis encore une fois, la mise en scène de Shyamalan là-dedans là, est sur la coche. T'as des plans séquences de. Oh man! Des plans séquences puis qui met en premier plan des performances d'acteurs qui ouais, doivent... Ouais. Tu sais, Jim McAvoy, il est écœurant là-dedans. Puis, comme je te dis, il y a des thématiques qui m'ont vraiment paru bienvenues dans tout ça. Puis j'aime qu'est-ce qu'il essaie de faire avec les codes du super-héros. Puis non, c'est pas aussi révolutionnaire qu'Unbreakable dans le temps, je crois vraiment pas. Mais je trouve qu'il y a quand même de quoi d'intéressant. Hein, puis que ça... Ça fait quand même une petite bouffée de fraîcheur avec les DC puis Marvel qui m'ont vraiment saturé. Moi, je suis. Oh oui. Je sais que je suis pas le public cible des Marvel, puis c'est pour ça que je crache pas à tout bout de champ là-dessus, mais ça, je trouve que de là, ça a comme fait du bien d'avoir de quoi de minimaliste qui focus beaucoup plus sur ses personnages que sur les grosses scènes d'action, puis avec le CGI. Fait que... Mais tu vois, moi, c'est ce qui est arrivé, c'est que dans la deuxième partie, dans le deuxième acte, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de répétitions puis de redites, puis j'avais l'impression que c'est quand je te parle de peser sur le frein, j'étais comme tu l'as dit tantôt, tu nous ouais, répètes ça. La même affaire, mais avec les trois mêmes personnages, un après l'autre. Avance, fais quelque chose d'autre. Puis tu sais, tu sais que de quel plan séquence que tu parles avec James McAvoy, c'est un plan séquence avec de la lumière. Ouais. Ben, ce plan séquence-là a la plus grosse faille scénaristique de tout le film. Alors, pendant ce plan séquence-là, j'étais impressionné par James McAvoy, mais en même temps, je me disais, tu me prends pour un imbécile, ça ne se peut pas. Ce personnage-là est intelligent, il ne ferait pas ça. Ça n'avait pas de sens. Je regardais le film, j'étais comme, l'issue de cette situation-là est dans ma phase depuis le début, et ça me frustrait que le film soit me prenne autant pour... Non, non, ils s'en rendront pas compte que le personnage peut s'en sortir. Ça me gossait. J'étais à bout. Je t'en parlerai tantôt. Ouais, parce que je suis pas certain de voir ce que tu veux dire. Puis j'ose pas trop. Non, faut pas trop en dire. C'est ça. Parce que, mais c'est ça, tu sais. Fait que j'étais comme déchiré entre Asti que James McAvoy, il est hot. Mais Asti de scène qui me gosse. C'est ça, c'est que ça fait que ça me gossait tout le temps. Tout le temps. Ouais, c'était bien beau. Ça me gossait tout le temps, en tout cas. Mais c'est écoute, ça. Mais je pense que c'est vraiment... Écoute, je pense que là, on représente exactement ce que ce film-là représente. C'est un film vraiment intéressant à discuter, qui va apporter des débats. Fait tu sais, je pense que ça vaut la... C'est con, parce que quand tu regardes la plupart des grosses critiques, là, qu'est-ce qu'ils reprochent, c'est que oh, c'est un film lent, beaucoup trop de dialogue, pas ça, vraiment drip. Puis tu sais, je suis comme, Chris, c'est un film de Shyamalan. Qu'est-ce que vous pensez non, à l'époque, là? Non, non, non, moi, c'est t'sais, c'est aucunement ça que je vais y reprocher. J'y reproche qu'en deuxième partie, il y a de la redite, puis il aurait pu avancer plus vite dans son histoire pour ne pas débouler trop rapidement en troisième acte. Mais j'y reproche des twists qui étaient rendus non nécessaires à la fin. Ah, oh, je suis d'accord. Puis surtout une grosse twist que j'étais comme ah non, non, non, c'est trop ça. T'es une coche trop loin. Ton scénario disait des trucs le fun. Puis Puis c'est ça, les invraisemblances que d'habitude, je suis capable d'en accepter, mais là, il y en avait beaucoup trop. Tu sais, quand à un moment donné, je suis comme... D'habitude, les invraisemblances me sautent aux yeux à la fin d'un film, tu sais. Mm-hmm. Si le film est assez bon, je vais les laisser passer, puis c'est après, quand je vais y repasser, je vais faire comme, ah ouais, en plus, il y avait ça. Mais là, c'était pendant mon écoute, les invraisemblances me sautaient dans la face, puis c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, ça gâchait mon plaisir. Mais je pense que on représente exactement ce qu'il faut. On était deux gars crinqués qui aiment les deux premiers films, qui avaient hâte de voir ce film-là. T'as aimé ça? J'ai vraiment pas aimé. Fait que je pense qu'on peut juste dire au monde d'aller le voir. T'sais, de toute façon, on veut avoir des films de Shyamalan. Là, je veux pas qu'il se plante au box-office. Je veux juste ben, pas il se plante pas. En fait, son premier week-end a été très bon. Il a été très bon. Ça a rapporté. De toute façon, il doit pas avoir un budget de la mort, là, ce film-là. Vraiment pas. C'est très. Non, c'est pas du que Split, par exemple. Fait que... C'est ça l'avantage de Shyamalan avec Bruno Mars, c'est que ses budgets sont pas gigantesques. Fait que si le film fonctionne avec pas grand-chose. Non, non, c'est ça. Ça y prend un week-end ou deux, puis le film est un succès. Là. Si je regarde vite, là. C'était quoi son budget? Je ne sais pas si je suis capable de le trouver rapidement, là, mais non, je vais le retrouver. Mais ça doit être tourné autour du 30-40 millions. Là. Même pas sûr que les acteurs ont dû demander tant que ça pour ce film-là. Là. Tu vois, Glass Opening Weekend, 40 millions sur un budget de 20. Mm. Alors, plus 20 millions pour le marketing, fait que le film est déjà rentré dans son cash. Le début de Glass donne ce que les gens s'imaginaient, ce que ça allait être, puis ensuite, ça donne complètement d'autres choses, puis soit que ça va frustrer les gens, ou soit que les gens vont adorer, puis le public, contrairement à la critique professionnelle, est quand même relativement positif, puis divisé aussi, fait qu'on dirait que ça fait un genre de Venom, tu sais, genre de film qui est démoli par la critique, mais le public semble être au rendez-vous, fait que je trouve ça nice pour Shyamalan. Ouais, ouais, ben tu vois, regarde... Ils ont checké, ils font la comparaison sur le site Box Office Mojo. Puis le premier week-end de Glass, 40,5 millions. Et le premier week-end de Split avait été 40 millions. Fait qu'écoute. Yeah, c'est très bon. Très, très, très bon. C'est la performance normale d'un film de Shyamalan. Mais bon, c'est ça. Écoutez, allez pas bouder votre plaisir. Si vous voulez aller le voir, là, parce que clairement. Mais c'est ça. Accepter que ce n'est pas le film que vous vous attendiez de voir, puis qu'il y a des défauts. Mais c'est ça. Mais, puis ben, vous viendrez nous dire de quel camp vous êtes, Team Steven ou Team Sébastien. Et c'est ça. Écoute, là, je savais qu'on allait en parler longtemps. Je suis content que tu aies pu en jaser, mais j'ai vraiment hâte. Écoute, je voudrais être en section spoilers avec toi et Marc-Antoine parce que tabarnouche. J'en aurais long à dire. Ben écoute, on va redonner la parole à JF. Il n'a pas vu le film, il est juste dans son coin. C'est correct. C'est intéressant. GF, de quoi voulais-tu nous parler? Ah, j'ai rajouté quelque chose, salut, je t'en ai pas parlé. Mais je vais parler de ça en premier. Moi, j'aime pas ça, les surprises. Ben, c'est une belle surprise. C'est un livre. Ouais. C'est un livre de quelqu'un que je connais, d'un de mes amis. C'est Dave Côté. Ah ouais, c'est Dave. C'est Dave. Son recueil de nouvelles, Né comme ça. C'est-tu vrai? Ça a sorti au mois d'octobre, mois de novembre, puis c'est ça. C'est une dizaine, même pas 15 nouvelles, je pense. Puis c'est tout... Tu sais, Dave, son style, c'est un gars avec qui j'étais à l'université, puis Sébastien le connaît bien aussi. Dave, c'est de l'absurde. Il fait beaucoup d'absurde, du fantastique, des trucs qui... comme il dit lui-même, tu sais, son univers... Ben, c'est écrit en arrière, je vais le lire dans le fond. Son univers fictionnel se définit avant tout par la conviction qu'il n'est pas besoin de tout expliquer pour raconter une histoire. Qu'au contraire, l'inexpliqué est plus intéressant quand il conserve au moins une part de mystère. Fait que t'as une histoire avec un personnage qui est fait en gâteau. Ça s'appelle Monsieur Gâteau. T'as une histoire avec un gars qui a un trou dans le dos. J'en dis pas plus, parce qu'il y a un trou dans le dos. Puis c'est ça. Il y a des choses qui disparaissent dans le trou. T'as une histoire avec un personnage qui se ramasse dans un Un sous-marin qui est dirigé par une intelligence artificielle qui porte la même voix et la même personnalité que sa blonde qui a disparu, fait qui essaie de pas se laisser avoir par les sentiments et tout ça, puis tout ça. T'as toutes sortes d'affaires. T'as un pirate de l'espace qui arrive sur Terre pour voler des olives, parce qu'il adore les olives. En tout cas, c'est des histoires qui vont dans Wow, toutes sortes de directions. c'est T'as du deep. gore, t'as des trucs plus poétiques, un peu plus romantiques. C'est fou, c'est complètement fou. Puis moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de fun à lire ça. Il y a peut-être une ou deux nouvelles qui m'ont moins plu, mais en général, ça a resté quand même un niveau de qualité qui était quand même assez élevé, là. Puis T'as pogné ça où? en fait, j'ai fait une surprise à Dave parce qu'il faisait son lancement, je pense que c'était à la fin octobre, puis j'étais allé à Montréal pour voir les belles-sœurs. Puis genre, Ah. une couple d'heures avant le show, ben, j'ai dit à ma blonde, on va aller faire un tour dans un bar qui fait son lancement, puis on va aller le voir. Puis on avait genre pas de temps, vraiment pas de temps. On a couru quasiment de la station de métro jusqu'au bar pour aller voir Dave. Salut, salut, on est là. Puis il me donne son, il me vend son livre, il me l'a signé à l'intérieur, puis il est tout content de me voir. T'sais. Puis on repart tout de suite. T'sais. Sa blonde et sa fille étaient là, puis c'est ça. On a juste dit salut, puis on est reparti. T'sais. C'est hot. Ouais, non, écoute, je me rappelle au cégep, Dave m'avait fait lire une de ses premières nouvelles. Puis il me disait, tu penses-tu que c'est assez bon pour que je l'envoie à tel concours? Je me souviens pas c'était quoi, là. Un concours régional. Puis j'étais comme, ben oui. Puis finalement, il l'avait gagné le concours. Puis depuis ce temps-là, Mais il est mais tenace. je me souviens de lui qui arrive. Fait, hey, tu penses-tu que c'est bon? T'es comme, voyons donc. Ça se temps, il est rendu Mais qu'il publie. c'est ça, il travaille fort, il est tenace, il n'a jamais arrêté. Oh ouais. Ça, c'est sur la compagnie, la maison d'édition Les Six Brumes. Je vais le montrer à l'écran de même. Là. Les Six Brumes. Puis il avait déjà publié un roman, Dave, qui s'appelait Noir Azur, il y a quelques années. Je ne l'ai pas ici Ouais. sous la main, là, mais il est dans une. Je l'ai quelque part ici, toi. Ouais, il est dans une boîte à quelque part. Puis c'est ça, c'est son premier recueil de nouvelles. Puis je pense qu'il a participé aussi à un truc collectif. C'est une histoire, voyons, dont vous êtes le héros. Mais ça, je l'ai pas lu non plus. C'était sur les, dans les, allez, sur les, voyons, avec les Six Brumes aussi. Fait que Dave Cool. Côté, né comme ça, né au pluriel, et c'est sa maison d'édition Les Six Brumes, ça vaut la peine. Vous allez avoir du fun avec ça, vous allez rire, vous allez moins rire un peu. Il y a des affaires vraiment plus dramatiques, mais vous allez avoir du fun. C'est hot. Nice. Hey, on se prend-tu une petite pause Oui. musicale? Écoute, je voulais aller faire un gag. J'ai pensé à un gag après-midi, puis je me dis, ça se peut, on peut pas faire ça pendant le show. On va perdre tout le monde qui écoute le podcast parce que je me dis, bon, OK, on écoutait Glass, on va mettre du Philippe Glass. Je sais pas, y a-tu du Philippe Glass qui est pas genre comme. Je vais arrêter le podcast, puis je vais réfléchir sur ma vie. Ben, le thème de Candyman. C'est-tu Philippe Glass? Ouais. Ah, c'est vrai. Bon, OK, cool. Ben cool, OK, on va y aller avec le thème de Candyman de Philippe Glass en lien avec Glass, le film. On se revoit tantôt avec la continuité de ce podcast. Il va y avoir moins de chicane. On n'aime pas ça, la chicane. C'est pas vrai, on aime ça. Tantôt! Alors, on est de retour après cette chanson de Philip Glass. Puis c'est plate parce que sur le chat, il y a Pascal qui nous a dit qu'on aurait dû mettre du Glass Tiger et la prochaine fois, prochain film de Glass, on mettra du Glass Tiger. Mais c'est ça. Hey, j'ai oublié de faire quelque chose au début du show, c'est de mentionner nos patrons. Parce que oui, il y a notre page Patreon et à chaque épisode, on doit mentionner nos généreux patrons qui nous permettent de faire vivre le site sans que ça nous coûte trop cher et qui font en sorte que si on a un petit peu plus de patrons dans les prochains épisodes, prochaines semaines, prochains mois, il y a des gros changements sur le site qui devraient arriver plus vite que prévu. Mais pour l'instant, c'est un petit peu plus lent parce que bon ben ça coûte des sous puis je peux pas le faire de ma poche. Donc je ramasse les économies des patrons, je mets ça de côté, puis ça pourra arriver. Mais c'est ça, donc entre autres, on remercie Patrick de VI2XP, Véronique des Douces Folies de Nikki, ainsi que Kevin Hood. Merci à vous autres et merci à vos autres patrons de nous encourager. Vraiment, ça fait toute la différence. Merci! Yeah. Et ben, on va continuer cet épisode, malgré que là, c'est ça, pendant la pause, on a demandé aux gens qui voulaient gagner une copie de Succession. On voulait qu'ils nous disent « Je le veux ». Puis ben, s'il n'y a personne on d'autre. On a eu 50. 50 participations. j'ai fait des validations d'identité. Ça a pris vraiment du temps. Non, ben, c'est Cynthia Ledoux qui était la seule à la vouloir. Tu l'as convaincu, Jeff. Fait qu'alors, yes. Cynthia, Jeff va t'envoyer ça. Puis, ben, tu me diras ce que tu en penses. Tu nous en reparleras. Ben oui. Puis, ben, parlant de concours, juste après l'épisode, je vais faire tirer les trois billets que les gens... si vous n'avez pas participé sur le chat, je vous donne une petite extension. Parce que c'est ce soir que finissait le concours pour le film Serenity avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway, entre autres. Et c'était Entrac Film qui nous avait fourni ça. Et c'est ça. Sinon, ben, on a encore le concours pour Happy Dead Day to You, la suite. Oh yeah! Joyeux jour de mort, c'est quoi en français déjà? Bonjour. Je sais pas c'est quoi en français. Tu sais, en anglais, c'est un jeu de mots. Là, ouais, mais... c'est ça, Happy Dead Day. Mais... To you. Ouais. Ben, écoute, ça marche. Oh, ouais, mais c'est quand même cheesy as fuck. Là. Mais, c'est ça. Donc, hey, mais as-tu vu la bande-annonce? Tu sais, quand je me suis fait spoiler, j'ai quand même fait Happy de la mort, j'ai regardé la bande-annonce. Là, j'ai... De la suite? J'ai vu une bonne partie, ouais. Je sais pas. Jusqu'à quel point que le premier film jouait dans la comédie puis l'autodérision. Là. Ça allait loin. Lui, là, il a l'air d'assumer à fond son concept. Là. C'est déjà ça le premier. Ah, hein, c'était déjà ça? C'est déjà ça le premier. Je te dirais que ça laisse en malade encore plus un petit peu une coche au-dessus de l'Over the Top, mais le premier, j'étais saturé de revivre les mêmes événements puis c'était répétitif. Puis j'étais comme, OK, on connaît le jour de la marmotte. Là. C'est comme assez de nous surprendre. Puis là, de voir dans mon annonce du 2 qu'on va revoir encore des scènes du premier qui recommencent. Comme, OK, j'espère là, que ton pattern va être plus excitant que me refaire vivre ce que j'ai déjà vécu avec le premier. Là. Okay, en tout cas, je laisse le bénéfice du doute. Cool. Pascal Jacob qui dit « Ceux qui sont intéressés, j'ai des codes numériques pour la série des Missions Impossibles et Prédateurs. » Je suis sûr que tu vas trouver des intéressés. Si tu as besoin d'aide pour faciliter ça, dis-nous-le. Donc, on va continuer cet épisode. Steven, qu'est-ce que tu as pour nous parler? J'y vais avec un petit truc tranquille, genre de film que les gens connaissent pas, qui est passé inaperçu sur Netflix, c'est sorti cette semaine. Revenger, c'est un film coréen, c'est un Netflix original, c'est eux qui ont fait l'acquisition. C'est un film que j'avais déjà entendu parler un petit peu avant, parce que le réalisateur faisait beaucoup la promotion en le vendant un peu comme le The Raid-like coréen, parce que c'est pas mal tout ça que les films d'action essaient de faire dans les dernières années. Si la jouer, on est le nouveau The Raid, tu sais. Mais j'étais quand même vendu, la bande-annonce, c'était efficace, puis ça mettait en vedette Bruce Kahn, que le réalisateur tente de pousser comme étant la nouvelle grande star d'action. Fait que, tu sais, j'étais pas sévère. Moi, si tu me fais une intrigue simpliste, puis des bonnes scènes d'action, j'étais partant. Ça raconte l'histoire d'un policier qui rentre incognito dans une prison qui est une île gigantesque où que tous les criminels sont envoyés là-bas. Et il veut rentrer là parce que le fameux tueur qui a assassiné sa fille et sa femme serait là apparemment. Fait que lui, il va aller là pour se venger, quelque chose de bien simpliste. Puis en même temps, ben sur l'île, il y a différents groupes de prisonniers qui se sont fait des clans, différentes tribus. Puis tu sais, ça fait quasiment un peu post-apocalyptique là, avec leur style, leur cabane. Puis lui, en arrivant là, il va intégrer un des groupes qui va le recueillir, qui est un peu des newfies. On dirait quasiment genre de mauvaise comédie à la Mad Max 3, là, un peu quand Mel Gibson rencontre les enfants. Ça me faisait quasiment penser à ça. J'étais comme, OK, ça brise un peu le ton du film qui, par moment, est plus violent et dramatique. Tout ça n'est qu'un prétexte pour enchaîner des séquences d'action qui, malheureusement, s'enchaînent pas vraiment tant que ça. Oh. Pour un film avec un synopsis aussi simpliste, ça démontre que des films comme The Night Comes for Us, qu'on a eu l'année dernière déjà, là, 2018, il faut que je m'habitue que ce soit l'année dernière, qui a fait un gros buzz sur Netflix parce que c'est honnêtement de la putain de bombe. Puis c'est un film où c'est la prémisse, c'est encore une histoire très simpliste, mais quand le réalisateur arrive à te faire... à te faire carrer pour les personnages, puis à te faire incruster dans l'histoire, malgré que c'est une histoire hyper simpliste, mais tu vois que ça prend pareil du talent pour faire ça avec une histoire simpliste, parce que là, dans Revenger, j'en ai rien à foutre des personnages, j'en ai rien à foutre de l'histoire, puis il y a de l'exposition vraiment inutile. La première scène d'action arrive sur la plage, tu vois notre héros qui arrive avec un genre de masque à la Hannibal Lecter, il est attaché, puis le seul moyen qu'il peut se défendre contre les prisonniers, c'est avec ses jambes, parce qu'il est attaché. Super efficace, bonne chorégraphie. Faut attendre quasiment 20 minutes avant la prochaine scène parce que là, il y a de l'exposition, on te présente une mère, une fille, pourquoi son œil ne devrait pas être là, puis tu t'en fous, c'est mal géré, c'est un petit peu mal filmé, c'est mal écrit, mais il y a des scènes d'action qui reviennent, qui sont vraiment sacoches, les chorégraphies sont vraiment réussies, puis le gars, Brusca, a vraiment des skills de malade, t'as des plans séquences où il va massacrer du monde en one shot, un peu à la The Raid, mais sans efficacité, parce que le réalisateur n'est pas Garrett Evans, n'est pas capable d'avoir une caméra stable qui fait pas juste shaker. On se retrouve, je suis déçu, malgré les scènes d'action qui sont vraiment bonnes, ça vaut pas la peine de s'emmerder, parce que je me suis vraiment royalement emmerdé en tout ça, fait que... Poète, ça a été... Le pire, c'est que je me disais, crime, j'ai envie cette année de choisir mon premier film de 2019 que je vais voir, juste que ce soit quelque chose de bon, parce que j'ai la malédiction de voir des trucs pas bons. Ouais. Puis je me suis dit, Chris, celle-là, j'ai le bon feeling, puis non, finalement, c'est poète. j'aurais dû attendre avec Glass que ce soit mon premier film, j'aurais été moins déçu. Damn. Fait que, laissez faire ça pour retourner écouter The Night Comes for Us. Bon, ok, ben écoute, c'est bon à savoir. Je vais y aller avec une écoute qui nous avait été fournie par... Hein? C'est quoi ce geste-là que tu nous fais? Là? Je sais qu'est-ce que tu vas parler. Non. Pas encore. Je te garde pour la fin. Okay. J'en ai parlé. J'étais à Marseille, tout le monde, avec cette calice de film. Bon, ben ok, d'abord, on va en parler parce que le monde va faire comme l'arrêter. Bon, mais c'est bon. On va passer de ce film-là à Blind Spotting. Il nous a été fourni par VVS. Ouais. Que je me souviens, là, VVS proposait des films. J'étais comme, ben non, je veux pas. Puis là, Steven, de maintenant, tu postes Blindspotting, probablement un de mes meilleurs films de 2018. Puis là, j'étais comme, mais de quoi qu'il parle? Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Je pense que c'est ça. VVS l'avait. Puis là, j'écris à mon gars de VVS. Je sais qu'il est déjà sorti depuis un bout, mais. Peux-tu me donner une copie de Blindspotting? Je veux voir ça. Finalement, il me l'a envoyé. Vraiment, j'étais vraiment content. Mais en même temps, je ne savais pas à quoi m'attendre. Parce que là, étant donné que Steven avait comme hypé, je n'ai pas allé voir le trailer, j'ai pas lu le synopsis, j'ai rien fait. J'ai pris le Blu-ray, je l'ai mis dans mon lecteur, j'ai fait « On va écouter ce film-là. » C'est génial, hein? avoue que ça arrive pas souvent qu'on fait ça d'une vie, là. Surtout T'avais-tu été voir le pourcentage de Rotten par curiosité, voir si c'était... Okay. Rien n'était voir. J'ai même pas lu. Écoute, tu sais, quand je t'allais voir sur VVS, s'il l'avait encore, tu sais, j'ai même pas vu le synopsis. Tu sais, j'ai rien checké, rien checké. Écoute, là, tu vas peut-être pouvoir m'aider là-dessus, Steven. Moi, c'est des acteurs que je ne connaissais pas. Et un réalisateur qui, à moins que j'aie mal vu, je ne connaissais pas non plus. Réalisé par Carlos López Estrada. Premier film. C'est son premier film, hein? OK. C'est malade. Voyons donc. Et c'est écrit par les deux acteurs principaux, David Diggs puis Raphaël Dave Casal. Diggs? Ouais, en fait, ces deux gars-là, Dave Diggs, il joue dans plusieurs grosses productions. C'est juste que je le remarquais pas, ce gars-là, avant. Okay. Comme j'ai écouté hier Wonder, avec Owen Wilson, Julia Roberts, puis il joue le professeur du jeune, puis c'est comme, hey, c'est le gars de Blindspotting. Fait qu'on dirait que ça prenait Blindspotting, tandis que son chum, Raphaël Cazal, je pense que lui, c'était peut-être la première fois qu'il jouait dans un film, mais à la base, ces deux gars-là, c'est des créateurs de musique, des producteurs, puis surtout des personnes qui écrivent des lyrics pour d'autres chanteurs rap. Mmh. Fait qu'ils sont vraiment très populaires dans l'industrie. Ils ont fait beaucoup de théâtre, énormément, puis c'est comme un peu la première fois qu'ils décident d'écrire un scénario pour un long métrage. Puis c'est eux qui jouent des rôles principaux en plus. Fait que, tu sais, ils avaient vraiment toutes les connaissances, le bagage. Puis dans la vraie vie, c'est les deux meilleurs amis, ils sont tout le temps ensemble, ils font tout ensemble. Fait que. C'est ça en gros. Ouais, ben écoute, je vais essayer de résumer rapidement l'histoire. Là, ce qui est dommage, c'est que ce film-là, je l'ai vu avant Noël. Là. Tu sais, là, c'est vraiment le dernier épisode qu'on a enregistré. Je voulais en parler, puis là, je l'avais oublié. Puis là, fait au-dessus d'un mois que je l'ai vu. Toi, Steven, ça fait un peu plus longtemps aussi, mais tu l'as vu deux fois, je pense. Peut-être j'ai vu quatre fois. Quatre fois, OK. Fait que tu vas être capable de me c'est backer. Le seul film que j'ai écouté quatre fois en 2018. Wow! Ça raconte l'histoire de Colleen, qui est jouée par David Diggs, qui est un ex-détenu pour quelque chose de pas grand. Non, j'allais dire c'est pas grand-chose, on le découvre plus tard. On le sait pas. On le sait pas au début. Puis, ben, il est en probation, puis il reste genre... Trois jours avant que sa probation soit finie. Fait que couvre-feu, faut pas avoir d'arme à feu, faut pas blablabla, tout ce qu'on sait d'une probation. Et trois jours avant sa probation, il va être témoin du meurtre d'un jeune noir par un policier. Alors que clairement, le noir a rien fait. Mais ce truc-là est comme arrivé 5 minutes après son couvre-feu. Puis en plus, ben, t'sais, c'est d'aller parler contre la police. Fait que là, il se dit, j'ai pas le choix, faut que je me ferme la gueule. Fait que ça, c'est comme l'élément déclencheur de tout ça. Mais c'est comme l'élément déclencheur qui va se mettre à se faire re-questionner lui-même par rapport à sa relation avec... son meilleur ami. Son meilleur ami, le racisme un peu autour. Est-ce qu'il faut qu'il soit un peu plus engagé qu'il est? Les décisions qu'il a prises dans sa vie. Parce que son meilleur ami est un blanc, mais qui est quand même très. Qui est quasiment plus ghetto, en tout cas, qui agit comme un noir. Je sais pas, il est plus le stéréotype. Ça. Ouais. Il est plus le stéréotype perçu par les gens quand les gens voient des noirs, tu sais, le genre de côté raciste de les gens voient automatiquement un noir, c'est un gangster. Ouais, il y a des couronnes sur les dents, il y a du bling bling partout, puis il parle tout croche, puis tout ça, puis tu sais, c'est vraiment le cliché du noir, exactement comme tu dis. Puis finalement, il se rend compte que cet ami-là est probablement pas une très très bonne influence pour lui. Puis tu le comprends assez vite. Tu sais, dire je vais aller m'acheter un gun avec mon ami qui est en probation, tu fais comme come on man, là. tu pourrais-tu ne pas faire ça, t'sais. Mais lui il s'en calisse. Ben, tu sais, le duo de personnages incroyable. Ça paraît que c'est des amis dans la vraie vie. Tu ne pourrais pas recréer ça dans un film à ce point-là. Oh, la chimie. Il y a une chimie entre les deux qui est incroyable. Je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas des scènes qui ont été... pas ad-lib, là, mais presque. Autant que le scénario et ça coche, puis les dialogues, des fois, sont mordants. J'ai l'impression que des fois, c'est juste deux personnes qui parlent normalement. J'ai le feeling qu'ils ont sans doute fait des rajouts. Tu sais, qu'ils suivent le scénario, mais qu'ils rajoutent peut-être des petits trucs là-dedans au fur et à mesure. Là. C'est parce que des fois, il y a des scènes où ce qui est dit est trop, trop parfait. Pinpoint, ouais. C'est ça, tu sais. Puis, je suis pas un gars qui trippe sur le rap. Je suis pas un gars qui trippe sur les trucs battle comme dans 8 Miles ou quoi que ce soit. Tu sais, t'sais, ce film-là en est un peu imprégné, tout ça. Puis il est très, très imprégné de cette culture-là, rap, noir, gangsta, tout ça. Puis c'est pas quelque chose qui vient me chercher d'habitude. Puis justement, quand le film a commencé, si ça avait pas été de toute cette histoire-là de probation, de. Tu sais, de je sais pas jusqu'à quel point j'aurais accroché, mais finalement, ce film-là m'a accroché hyper rapidement. D'autant par sa réalisation que par ses personnages, tout ça. Mais de par. Son sujet, les émotions qui trans pire de ce film-là, des scènes qui sont d'une force incroyable, des moments de tension avec pas tout le temps grand-chose, tu sais, juste quand ils décident qu'ils s'en vont d'un party où il n'y aurait probablement pas d'affaires à aller, tu sais. Puis là, t'es comme, oh man, oh god, que ça vire mal. Mais là, je vous dis un party où ce qui devrait pas aller, puis c'est juste pas le party que vous vous imaginez. C'est pas ce genre de mauvais party là. C'est comme de l'autre bord. Puis là, tu fais comme, non, ça peut pas bien virer non plus, tu sais. Mais il y a de quoi dans les dialogues, dans certaines scènes qui remontent à loin. Puis ce film là se passe à, puis là, j'essaie de Auckland. Auckland, c'est ça. Puis là, Auckland, puis ces gars-là viennent de là. Fait, t'sais, ils ont vraiment cette ville-là imprimée à eux. Puis depuis longtemps, c'est une ville qui a été. T'sais, c'était un genre de ghetto, Auckland, avec du monde qui n'a pas eu la vie facile, des gens de couleur. Et là, c'est un peu le genre d'endroit qui a été réapproprié par la bourgeoisie, ou que t'as les hipsters, puis les gens qui s'en viennent littéralement bousculer puis s'approprier la culture de là-bas, tu sais. Fait que ces gens-là sont comme marqués par ça, là. Oui, puis tu sais, fait que c'est ça. Le film traite beaucoup de ça, de oui, c'était peut-être un ghetto, mais c'était chez nous, puis là, on s'est fait comme tasser. C'est genre, on veut plus d'une place crottée ici, on est rendu hot, là, tu sais. C'est ça, ben, toutes les fois qu'ils s'en vont d'un dépanneur. Il y a plein de gags là-dessus, là, tu sais, ils s'en vont d'un dépanneur, puis... non, le jus vegan. Vegan, tu sais. Ils s'en vont. Leur fast-food préféré vient de réouvrir, mais là, il fait comme, comment ça se fait que c'est pas de la viande dans mon burger? Puis c'est comme, ben là, si tu voulais avoir de la viande dans ton burger, faut que tu le spécifies. Nos burgers sont tous rendus végé par défaut. Puis c'est comme, hein, voyons donc. Tu sais, il y a plein de gags de même. Tu sais, sont tout le temps en train de se faire comme surprendre par la bourgeoisie qui embarque par-dessus eux autres. Puis autant que c'est drôle, autant que tu sens. Tu sens ce sujet-là qui vient d'être piqué. Mais puis autant que le terme blind spotting, je pense que c'est-tu inventé pour le film? J'ignore si c'est inventé pour le film. J'ai pas fait des recherches, mais la façon que c'est intégré dans le film, moi j'ai trouvé ça fantastique. C'est puis le bien. Sens que ça prend, ce titre-là, j'ai vraiment trippé. C'est comme d'attribuer certaines choses à quelqu'un juste... Puis c'est de le juger de façon mauvaise à cause de soi, d'où ce qui vient, de sa couleur, tout ça. On dirait que c'est une autre définition de racisme, mais ça va au-delà de la race, là. Ça va au-delà de... Rafraîchis-moi l'idée, là. Il me semble que c'est ça, c'est un truc comme ça, là. Ouais, mais c'est par rapport à une photo que c'est deux personnes qui se regardent, mais ton cerveau a le réflexe de voir un vase parce que c'est deux personnes noires qui se regardent avec un fond blanc. Ouais. Fait que c'est juste le fait que faire du blind spotting, c'est juste de regarder quelqu'un, puis que ton cerveau te donne de quoi de prédéfini qu'on t'a comme incrusté, si c'est on un, veut. C'est là. Un peu d'avoir des préjugés, tu sais. C'est un peu des préjugés d'avance. Des préjugés sur quelqu'un, tu sais. Comme là, lui, il est avec un ami blanc, fait que tu sais, clairement, ce serait lui qui serait le gangster des deux, mais dès que tu commences à les voir, tu vois très bien que c'est l'autre qui est le gangsta. Ah, c'est ça. Ben, c'est ça. Toutes les fois que son chum blanc fait quoi de mal, c'est tout le temps lui qui se fait dire c'est toi qui l'as convaincu de faire ça, ou c'est tout le temps le noir qui est dans la mauvaise position. T'aurais dû l'empêcher, t'aurais pas dû faire ça. Mm. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est quoi, juste un moment donné, sont dans le truck, puis son chum, il klaxonne, puis il engueule le gars, tu sais, puis. Hey, j'ai entendu dire qu'il y avait un noir qui avait engueulé un gars qui était dans un de nos trucks. C'était pas moi, c'était mon ami. Ouais, mais c'est toi qui conduisais, ouais. Mais t'aurais dû l'empêcher. Là, t'es comme, mais non, mais merde, c'est l'autre qui a fait de la merde, tu sais. Puis, ben, tout ça qui culmine sur un. Là, on fera pas de spoilers, mais qui culmine sur une scène finale solide. Épique. Épique en émotion, puis épique dans sa façon de l'amener. C'est le genre de scène que. C'est le genre de scène qui peut être prévisible, puis tu te dis, oh, je sais comment ça va finir, ce film-là, mais ça te déboussole dans la façon intelligente qu'ils font. Vraiment, là. Je vais le dire, là, c'était casse-gueule. C'était crissement casse-gueule, parce que quand t'arrives, puis tu viens de découvrir ce qui va se passer, moi, mon premier réflexe, ça a été, oh, c'est arrangé avec le gars des vues. T'sais, c'était comme beau hasard, là, t'sais. C'était comme, c'est trop beau pour être vrai, puis là, tu fais comme, Colin, c'est plate, là, t'sais, le film était, il avait une belle, il était ancré d'un bon réalisme, puis là, il vient de me garocher quelque chose qui sort un peu de nulle part, mais c'est ça, la scène finale est tellement puissante qu'en bout de ligne, waouh, voyons donc, j'en veux pas d'autre finale que ça, tu sais. Puis cette finale-là, je l'ai réécoutée sur YouTube plusieurs fois pendant la semaine qui a suivi. Parce qu'il y a, comme, il y a comme un speech dans cette finale-là. Puis, je veux pas en dire plus, juste, mais c'était vraiment fort. Le seul problème, c'est que moi, personnellement, je suis pas habitué au rap et à ce langage-là. Fait que. Même avec les sous-titres, il y a des bouts de freestyle que je manquais. La deuxième fois, tu portes, c'est, ça passe mieux. Ça passe mieux, oui, oui. Mais tu sais, ouais, la première fois, j'étais comme, le texte va trop vite, qu'est-ce qui se passe? C'était plus, tu sais, je voyais quand même la puissance de tout ça. Non, sérieux, ça a été un Christy de bon film. Tu sais, dans une époque comme on est en ce moment, tu sais, les films qui sortent, là, surtout qu'on a eu en 2018 le Black K.K. Clansman. Moi, je dis tout le temps K.K. pareil, là. Ouais. Mais Sorry to Bother You, on a beaucoup de films qui tentent de mettre le doigt sur le bobo, sur ce qui va pas bien aux États-Unis. Vraiment. Tales from the Hood 2. Tales from the Hood 2, ouais. Malgré une façon loufoque, mais je veux dire, il fait pareil, tu sais. Puis, Blindspotting... C'est vraiment par rapport vraiment cette espèce de guerre sur le racisme puis la façon de voir les autres, surtout en Amérique en ce moment avec Trump. Je dis, c'est débile, là. Tu sais, quand tu veux construire un mur pour empêcher les Mexicains parce que selon toi c'est des immigrants, c'est eux les terroristes, puis tu sais, juste aujourd'hui encore, il y avait une vidéo par rapport à un jeune avec un autochtone qui faisait un genre de rituel, puis lui il était devant sa face, puis il faisait juste rire, puis tu voyais le genre de petit sourire, puis une petite face du genre, regarde, moi je suis le blanc, j'ai privilège, je sais que ce que je fais là c'est pas bien, mais je m'en calais, je peux le faire puis il va rien m'arriver, tu sais. Ouais. Mais c'est de m'en parler. Puis Blindspotting, Chris, c'est un film d'une heure et demie. On en a plus tant que ça des films d'une heure et demie. Moi, ça me manque, là, parce que des films de deux heures, je commence à être tanné, là, parfois. Là. Des fois, t'as des films de deux heures et demie, puis t'es comme, Chris, t'as rien à me dire en deux heures et demie, t'aurais pu durer une heure et demie. Vraiment. Puis Chris, Blindspotting, là, il gaspille pas une seule fucking minute. C'est un film qui veut te divertir, c'est le fun, c'est drôle, c'est stylisé, c'est dynamique dans sa mise en scène, en plus d'avoir des performances vraiment fun, ça a un côté très body movie à la... Ouais. Je pourrais vous en nommer plein de films de body movie dans ce genre-là, mais qui tente constamment de te faire réfléchir, d'apporter des propos, puis plus le film avance, plus il y a un côté dramatique qui embarque, plus ça devient vif, puis plus son message est... tape à l'œil, puis c'est le genre de film qu'un coup, vous l'avez terminé, vous avez juste envie de discuter. Il y a trop d'affaires à débattre, là. Moi, c'est vraiment mon film préféré de 2018. Rendu à quatrième shot, j'ai comme fait « OK, fuck off », c'est le seul film que j'ai écouté quatre fois, puis je suis autant imprimé dedans que la première fois. Là. Tu vois, tu sais, quand j'avais fini d'écouter « Black Klansman », j'avais comme fait « Ah, oh, OK, wow, quel bon film qui parle de la situation des Noirs, tout ça. » Je trippais, puis je me disais « Il n'y a rien de plus à la coche que ça. » J'ai écouté Blindspotting, puis j'ai fait comme... Alors, je m'excuse, Spike Lee, mais c'est pas toi qui as fait le meilleur film qui traitait de racisme cette année. Non, j'avais des réserves sur le film de Spike Lee. J'ai trouvé que c'était un bon film, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui me gossaient. Tandis que Blindspotting, c'est rafraîchissant. J'ai trouvé ça... Le film de Spike Lee a pas de gants blancs, puis tu sais, il pointe des trucs très, très... Il souligne beaucoup de choses au crayon gras, tu sais. Ça, puis... Blindspotting est beaucoup plus en subtilité, puis je pense qu'il peut venir nous toucher sur des choses qui vont plus nous rejoindre, nous autres, tu sais. Parler du Ku Klux Klan, c'est bien intéressant, puis c'est vraiment important. Mais de parler de des choses que nous, on peut... qu'on peut vivre au quotidien, tu sais. Avec les personnes noires autour de nous, ou en tout cas, t'sais, des situations dont on peut être témoin, je pense que c'était beaucoup plus fort avec ce film-là. Puis la façon que le côté psychologique s'est intégré dans Blindspotting face à la peur, à la police, c'est incrusté par des petites choses, oui. Mais que je crois à l'évolution du personnage, c'est génial. Puis vraiment, là, moi, ça me fait débuzzer. Juste la mère qui donne un pamphlet à son enfant, qui montre comment aux enfants parler à la police. Là, je débuzzais. Là. J'étais comme, my God, voir ça existe. La police, c'est supposé être les gens qui vous protègent. Puis tu as besoin d'un pamphlet qui te montre comment parler à la police au risque de te faire tirer dessus. What the fuck? Ah, man, c'est débile. Ben, cette scène où ce qui fait juste marcher, on sait ce qu'il y a de pas correct, mais où ce qui fait juste marcher, puis il y a une police qui passe à côté, puis t'es comme, ah. Le suspense, là, est au couteau, ce moment-là, c'est fou. Cette scène-là, là, j'étais rivé sur mon écran, puis je me disais, my God, my God, my God, c'est pas de bon sens, qu'est-ce qui est en train de se passer, puis c'est juste une police qui passe dans la rue, puis là, tu te dis, il devrait rien avoir. On devrait pas s'inquiéter de ça. Il marche. Il marche. Mais non, tu sais que. Oh, God. Oh, man. Puis je pense que c'est ça mon gros problème. C'est que, tu sais, Blindspotting, le réalisateur sait qu'est-ce qu'il veut offrir. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Puis, tu sais, c'est vraiment maîtrisé. Ça veut être le fun. Ça va être un film divertissant en même temps de dire des choses. Moi, le film de Spike Lee, je trouvais qu'il y avait le cul entre deux chaises. Je trouvais que par moment, il y avait le potentiel, puis il y avait les qualités d'offrir un putain de bon trailer, un bon film en même temps d'avoir de l'humour. Puis par d'autres moments, j'ai l'impression que Spike Lee était comme, j'ai pas envie de faire un film, j'ai envie de faire un documentaire. Puis là, je veux vous expliquer des choses. Puis t'as une séquence où t'as un gars dans l'école qui va rencontrer une histoire, puis c'est la vraie personne, c'est pas un personnage. Il va rencontrer une vraie histoire. Puis à ce moment-là, ça m'a déconnecté. Pas parce que c'est pas bon, pas parce que ça n'a pas d'impact ce qu'il dit, c'est parce que là, je suis plus dans un film. Non. Je suis dans un documentaire. Ouais. Puis on dirait que Spike Lee ne m'a jamais ramené dans un film, puis j'ai l'impression qu'il botche au point qu'il s'en fout. Tu sais, à la fin, j'ai pas trouvé qu'il y avait de climat. Toute la finale avec la bombe, j'ai trouvé que c'était. J'étais pas stressé, je m'en foutais, puis il intègre même de l'humour là-dedans, que j'étais comme. Tu désamorces, tandis que t'as une scène avec un détecteur de mensonges, que là, j'étais comme, waouh, je suis dedans, et je suis stressé pour le personnage. Fait, moi, c'est ça qui m'a gossé, puis j'ai trouvé vraiment. La finale facile. Tu sais, le vouloir de faire l'effet coup de poing quand ça te lâche avec le ton de ton film, avec les images à la fin, moi, j'ai juste trouvé ça facile. Ça m'a un petit peu gossé. En tout cas, mais là, on parlait pas. En tout cas, on est parti un peu en football. Ça, là, pour mais... dire, essayez de le voir, sérieux. Blindspotting, moi, je débosse comment il est mal distribué. C'est VVS, mais premièrement, c'est sûr que ça peut pas être traduit. Je vois mal comment ce film-là pourrait être possible, en français, mais je veux dire, le Blu-ray, vous n'avez pas le choix de le commander sur Amazon. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, puis il était pas en bas de 28$. J'étais comme, what the fuck? J'ai dû payer le plein prix, puis. Non, ce film-là, il passe dans le bar, puis je trouve ça triste parce que c'est vraiment un gros poids. Puis, tu sais, vous allez sur Rotten, le pourcentage est haut. Vous allez voir les critiques sur Letterboxd partout. Le film, il est genre encensé, mais on dirait que. Il passe dans le bar. Le public n'a pas conscience de ses couettes. Il est passé dans des tops là, de l'année. Oui, il a été dans. Il y a même un des gros tops, je pense, c'est Panorama Cinéma, qui est dans leur gros top 50, il était comme numéro 10. Fait que, tu sais, j'étais vraiment content. C'est comme nice. Fait que. Ça, il est disponible. Tu vas avoir un DVD. Ouais, vous pouvez l'avoir sur Amazon, iTunes. Ouais, tu vas être capable mais... de. Ouais, le louer surtout, mais avoir d'urgence, peu importe, là. non, c'est trop fort. Trop, trop fort. Good, je suis content qu'on ait parlé. Steven, regarde, c'est sûr que c'était mon film, mais... qu'avais-tu d'autre pour moi? Ben là, Jeff, t'avais un problème de son, toi, là. C'est tout va bien. Tu cliques comment il est gelé. Ben, gelé dans le sens son image, là. Check-les. Ici, Steve. Ok. Écoute, Steven, on va continuer. Puis Jeff va peut-être se joindre à nous. Ok, ben moi, j'ai eu un méchant coup de cœur pour ce film-là. C'est un film que j'ai joué au Fantasia en 2017. Et j'ai juste loupé. Ah, Jeff est là. Salut, Jeff. Ouais, mais je sais pas s'il est tout là. C'est ça qui est venu. Ok, ouais, là, il est là. Il est tout le temps. Puis, Ouais, puis là, tu sonnes en robot. Ouais. Vous sonnez comme des robots tout le temps. Ouais. Mais il y a juste toi qui sonne comme un robot. On sonne comme des robots pour toi, puis tu sonnes comme un robot pour nous autres, c'est toi le problème. Désolé, tu diras aux gars qui font les rénovations dans ton sol d'arrêter de jouer dans les fils. On va attendre, on va voir peut-être qu'au fil, ta qualité va revenir. Ouais. Mais c'est ça, j'ai eu un gros coup de cœur pour un film coréen qui avait passé au Fantasia en 2017. Je l'ai pas, j'ai pas été le voir, ça n'a pas donné, puisque 2017 c'était une grosse année. Au Fantasia, c'était Train to Busan, The Wedding, plein de grosses bombes. Fait que celui-là, il est passé dans le bar. Puis 2018, ça a vraiment été une année bof pour les films coréens. J'ai pas eu de coup de cœur. J'ai eu beaucoup de déceptions au Fantasia. Et un de mes amis m'a vendu son Blu-ray importé de ça, c'est Midnight Runner. Et ça raconte l'histoire de deux jeunes recrues à l'académie de police qui, au départ, s'aimaient pas, s'écœuraient à l'école, qui vont finir par juste devenir d'excellents amis, qui vont poursuivre leur école de police ensemble, vont juste développer leur amitié, développer leur connaissance, et avec une certaine, juste minime connaissance de base, ils vont demander une fin de semaine de congé pour aller fêter puis aller voir des filles dans un club. Et au moment qu'ils vont aller au club, finalement, ça va rien donner. Puis ils vont décider de revenir à l'hôtel vers minuit. Et ils vont tomber sur une fille qui leur tape dans l'œil. Puis en suivant la fille, ils vont se rendre compte que la fille se fait kidnapper sous leurs yeux par des gens. On ne sait pas trop qui. Elle se fait amener en camionnette, puis elle disparaît. Puis ce sont les seuls témoins. Ils décident d'aller au poste de police, d'essayer de prévenir, mais la police ne veut rien foutre. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps, il y a d'autres cas. Fait qu'avec leur connaissance de base de qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école, sachant qu'ils ont seulement 7 heures, la victime a souvent seulement 7 heures pour être retrouvée avant que soit qu'elle disparaisse pour toujours ou qu'elle soit décédée, ils décident de mettre leur connaissance de l'avant pour essayer de retrouver la fille. Fait que ça a un côté très, très comédie au départ. C'est très body movie. Il y a de la comédie, mais c'est bien dosé. C'est jamais trop lourd. C'est pas Police Academy, là, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment le fun. Puis un coup qu'on embarque dans le côté intrigue de voir ces deux cabochons-là qui tentent d'essayer de réussir avec des trucs vraiment simplistes, mais ils arrivent à avancer dans leur enquête et à essayer de trouver des indices pour retrouver la fille. C'est vraiment le fun, j'ai embarqué avec eux. Mais plus ça va, plus le film bascule du body cop comedy vers un thriller plus dramatique noir. Mais c'est vraiment bien dosé, ça fait pas de clash. Je trouve qu'il a vraiment trouvé un dosage vraiment parfait entre l'humour et le thriller policier. Puis plus ça avance, plus j'étais intéressé par l'intrigue. Puis t'aimes vraiment les personnages. Les deux acteurs sont super bons, super charismatiques. Puis les séquences plus poursuite action, je trouve que c'est pas le cliché qu'on a derrière moi avec les films coréens où ça fait très Jason Bourne avec des grosses chorégraphies. Ouais. C'est vraiment des recrues qui vont avec les trucs de base. Puis des fois, ils riaient de leur professeur de karaté qui montrait une prise. Puis t'es comme, OK, ça marche pas dans la vraie vie. Puis finalement, ça marche quand ils l'essayent. Okay. C'est vraiment le fun. Puis le film se termine sur un gros high également. Puis j'ai vraiment trouvé, j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment trouvé que c'était un des meilleurs body cop, si on peut dire, movie dans les dernières années avec The Nice Guy que j'avais vu vraiment trippé également. Pas disponible ici. Moi, j'ai le Blu-ray import. Je ne sais pas s'il va être distribué à un moment donné, mais c'est crissement solide. J'ai eu du fun du début jusqu'à la fin. Fait que ça vaut vraiment le détour. Mais comme je dis, c'est dommage. Je vous le conseille, je vous en parle, mais il n'est pas trouvable à part si vous l'achetez en import. Mais. Ou peut-être qui Netflix sait? Un moment donné. Netflix, on dirait que c'est un site, ils sont pas pires à des rachats de Coréens. Ouais, non, c'est pas impossible. Ou Wildgo, qui est comme le plus gros distributeur de films coréens aux États-Unis puis canadiens, peut-être qu'ils vont acheter les droits puis le distribuer, mais reste à voir. C'est très, très hot. Cool, mais écoute, on l'écoutera pas. Encore un film qui n'est. T'es bon, toi, dans un film qu'on n'écoutera pas. Jeff, j'ai entendu rire. Ouais, ça sent-tu moins robot un peu? Pas bien. Qu'est-ce que tu veux nous jaser là? J'avais mentionné peut-être parler de la deuxième saison de Star Trek Discovery, oui. Mais tu voulais que je parle de la première un peu. Un mini topo. Très mini. Ben, moi, j'avais regardé ça avec... J'étais curieux de voir ce que ça allait donner quoi, la nouvelle série de Star Trek en quelque chose comme... quasiment 15 ans, là, tu sais, quand c'était arrivé l'année passée. Puis ça ressemble à rien des autres séries. Ces effets spéciaux sont complètement différents. C'est même. Ça ressemble plus un peu au film de J.J. Abrams, mais encore là, c'est. Non, c'est ben c'est... Oh, je sais pas vraiment tout ce que je veux dire en fait. Mais non, c'est très léché comme visuel. C'est oui. Très beau. Puis c'est C'est ça, on n'est plus dans les. Si vous avez déjà vu des vieux épisodes de Star Trek, que ce soit les années 60 ou les années 90, c'était très, très basic, des effets spéciaux. On est plus dans la mousseuse de J.J. Abrams. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est ce que j'essayais de dire. Mais. Puis ça, t'as du talent, t'as des acteurs, actrices comme Michelle, comment s'appelle, Michelle Yeoh, Y-E-O-H. Ouais. C'est ça, t'sais, super bonne là-dedans, puis tout. Mais j'ai eu de la misère un peu avec la première saison parce que je trouvais que les personnages, pour dire ça un peu grossièrement, ils ont tout un genre de baleine derrière, je trouve. Ils ont tout l'air coincé, mais t'sais, c'est pas coincé comme les vieilles séries de Star Trek, c'est coincé, je sais pas, trop sérieux, trop. Tu sais, Star Trek, ça n'a pas l'air de ça quand tu le regardes pas, mais c'est le fun. Il y a du fun là-dedans, il y a de l'humour, puis tout. Puis dans la première saison, il n'y a pas ça. Ah, hey, Jeff, coupe ta webcam, peut-être que ça va aider. Jeff. Continue. Ok, c'est vraiment plate. Ouais. Ah, mais là, c'est mieux. Ben, c'est ça, en tout cas. C'est ça, pour les gens qui ne l'écoutent pas, Star Trek, c'est le fun, les vieilles séries. Il y a du fun là-dedans. Puis dans Discovery, il n'y avait pas ça dans la première saison. Puis là, dans la deuxième saison, il y a juste eu le premier épisode, puis c'est... ils ont intégré ça un peu, le niveau fun, tu sais, puis... c'est ça, il y a plus de clins d'œil aux vieilles séries, aux vieux, dans le fond, à ce qui est canon, puis tout ça. Ouais. Puis c'est ça, j'essaie de mettre de l'ordre dans mes idées, mais je sais pas, pas en tout, excusez-moi. Il est tard, là. Mais bon, c'est compliqué, Star Trek. Puis là, il fait comme... C'est compliqué. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça, en gros, j'ai rushé avec la première saison, puis là, j'ai l'impression qu'avec la deuxième, ça va être plus le fun un peu, quoi qu'il y a encore... j'ai encore l'impression que les personnages ont un balai dans le derrière, mais c'est un petit peu moins pire. Ils ont commencé à l'enlever un petit peu, le balai. Là, ils commencent à avoir du fun. Puis c'est ça, il y a Spock dans la deuxième saison. Il intègre des personnages. Mais tu sais, c'est un jeune Spock, parce que je l'ai pas dit, mais Discovery, pour ceux qui ne savent pas, ça se passe 10 ans avant la série originale, avant la série avec Kirk. Fait que même si ça a look plus récent, mais c'est 10 ans avant. Ouais. Puis. C'est ça, on a un jeune Kirk, fait qu'on va découvrir un peu comment est-ce qu'il en vient à être qui il est dans la série originale, parce que là, il est pas du tout là dans le peu qu'on a vu, là, mais dans ce qu'ils ont dit dans les articles et tout ça, ce que dans les entrevues, ils disent bon, il est pas en tout à la même place qu'il est quand on le rencontre avec Kirk dans la série originale, fait que là, on est dans une autre place dans sa tête. Il y a une... Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Non, ben, écoute, Jeff, désolé, mais c'est plate. Tu sais, tu sonnais bien, mais là, on t'a perdu. OK, non, c'est correct. Pas de problème. Essaye de le faire ça vite, un marathon. Ah, non, je pense que ça vaut pas la peine. Il y a maintenant une blague, c'est ça que t'as dit? Non, mais c'est ça vaut pas la peine. Je pense qu'on devrait... non. Bon, mais en tout cas, c'est déjà mieux que la première saison, ça augure mieux. Fait que c'est recommandé. Ça a l'air de s'enligner à quelque chose de plus fun. Mais, ouais. Mais je vais juste finir en disant, si vous aimez le Star Trek le fun, écoutez The Orville de Seth MacFarlane. Okay. C'est vraiment plus le fun. Ça c'est pas été vraiment... cancellé, ça? Non, pas du tout. Ouais, je pensais que non, ça avait été cancellé aussi. Non, il y a une deuxième saison qui vient de commencer. Puis non, c'est vraiment, vraiment le fun. La première saison avait commencé, c'était de l'humour nono de Seth MacFarlane. C'était quasiment pas Family Guy, mais c'était beaucoup, beaucoup d'humour. Puis ça s'est rétabli. Ça s'est comme enligné plus sur du Star Trek classique vers la fin de la première saison. Puis là, dans la deuxième saison, on est plus là, dans le sérieux. Il y a eu un épisode, je pense que c'est le troisième, la deuxième saison, qui. C'était vraiment tendu. Là. Il y avait une scène de doigts qui ont failli être coupés par des sécateurs. C'était très, très, très tendu. Du gros suspense. Puis à la fin, tu brailles parce que c'est comme ils disent adieu à un personnage qu'on aime depuis la première saison parce que l'actrice a décidé de quitter la série. Mais tu passes de différentes émotions. Puis c'est vraiment bien écrit. Puis c'est le fun. Puis je trouve juste que dans l'acting, Seth MacFarlane est le maillon faible de la série. Mais. Ouais. Il n'y a pas une face d'acteur. Il y a une voix d'acteur, mais il n'y a pas une face. Ouais, exact, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas un bon acteur. Puis il fait le capitaine. Mais ouais. Sinon, les autres sont tous sur le fun. C'était un peu ça avec son western, le problème. T'sais, c'était lui dans le rôle principal, puis c'est ça qui fuck. Ouais. Il est pas. Family Guy, il est parfait parce que sa voix est bonne. Ouais. C'est ça, il s'accroche. Mais... Non, c'est ça. Mais pour les fans des vieux. Physiquement. Pour les fans des vieux Star Trek, c'est vraiment... D. Orville, c'est tout approprié, c'est tout conseillé, parce que c'est... Si on regarde juste des photos de ça, puis t'as l'impression de regarder un vieux Star Trek. C'est tellement plus dans l'esprit de ça. Okay. Tandis que Discovery va complètement ailleurs que la vieille série. Il essaie de faire du nouveau, puis ça peut être difficile d'approche, mais je pense que ça vaut la peine quand même de s'investir un peu là-dedans, si on est fan de cet univers-là. C'était meilleur dans le temps, mais c'est quand même pas si pire. Ouais, c'est ça. C'est un peu fucké comme. Mais c'est ça. Moi, je me comprends. Non, c'est correct. Mais ça vaut la peine quand même de passer à travers la première saison à date pour ce que. Oui. C'est un petit peu ardu, mais c'est mais visuellement, c'est écœurant. Puis ouais, non, c'est le fun quand même. Cool. Il y a du fun à avoir quand même. Bon, ben, je continuerai peut-être cette première saison. Oui. Ouais. Tu t'étais rendu où, toi? Deuxième épisode. Okay. Hey boy! c'était rendu. Je me souviens plus c'était quoi cette période-là, là, mais c'était pendant la période où ce que je m'endormais sur tout. Peu importe ce que je startais, je m'endormais dessus. Fait que là, une série télé, c'était comme, hey, oublie ça, là, des épisodes en plus, que là, je fais comme, j'ai manqué un bout, je vais faire revenir un peu. Bon, ok, je vais me coucher, je vais recommencer demain. Bon, ok, je vais faire revenir un peu parce que finalement, je n'ai manqué plus que ce que je pensais. Ah, non, là, quand c'est rendu de main, c'est pas bon signe. Non, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, pourtant, c'était aucunement un manque d'intérêt, mais c'est ça, je m'endormais sur absolument tout. Mais j'ai récupéré tout ce sommeil. La petite fait des meilleures nuits. Ça, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Je vais y aller avec mon dernier film à moi. Je sais pas si j'étais le seul à avoir une dernière. Tu fais le tour? Jeff, t'as fait le tour, Steven? Ouais, je pourrais dire que j'ai fait le tour. Ouais, ok. C'était pas si important que ça à parler finalement. Ok. Tu verras si ça te tente. je voulais vous parler du film Beautiful Boy. Qui nous a été fourni par, je pense... VVS. C'est-tu VVS qui m'a fourni Beautiful Boy? Je pense aussi, oui. Si je ne m'abuse, c'est plate, là, je le cherche en même temps que je vous en parle. C'est le film qui m'en va d'être Timothée Chalamet, qui est comme la nouvelle coqueluche qu'on avait vue dans Lady Bird et Call Me By Your Name. Puis, et ainsi que Steve Carell. J'arrive même pas à trouver le DVD à vendre sur Best Buy, fait que ça doit être VVS. Il est pas encore en vente, je pense. Il est pas encore en vente? Non, il sort... C'est ça? Ah, peut-être. Bon, mais d'habitude, au moins, il me semble qu'il sort comme mardi ou la semaine prochaine. À moi, je me mélange. Ouais, j'avais l'impression que lui aussi, je l'avais comme reçu dans le tard. Mais ouais, en tout cas, il est 22 janvier. En effet, t'as raison. Voyons, tu l'as plus que moi. Et oui, c'est VVS. Désolé, c'est vraiment boboche, ça. Vicky qui dit, vous parliez pas du dernier Netflix? Dernier Netflix, c'est parce qu'il y en a tellement de derniers Netflix. Je sais pas, mais en tout cas, non. C'est ça, j'avais pris ce film-là parce que le titre faisait penser à la toune, évidemment, de John Lennon, puis c'est une toune que j'adore, puis j'avais comme à rechecker un petit peu qu'est-ce qu'il y avait, la bande-annonce m'avait intrigué, puis je me suis dit, c'est une affaire père-fils, fait que ça y est, c'est un film avec un père et un fils, c'est bon, je l'écoute, c'est automatique, fait que je l'ai comme pris un peu à l'aveugle, même si les critiques étaient... mitigé. Puis moi, Timothée Chalamet, j'ai pas vu Lady Bird et ni Call Me By Your Name. Je plaide coupable. C'est qu'est-ce que vous voulez. J'ai manqué le bateau sur ces deux films-là. Fait que moi, j'ai su après avoir vu le film que c'était cet acteur-là, tu sais. Parce que oui, pendant le film, j'ai fait comme Chris, c'est qui ça? J'étais comme tabarnak d'acteur. C'est qui ça? J'ai manqué Call Me By Your Name, là, mais apparemment que là-dedans, wow, là. Man, regarde, là, il est sur ma watchlist, là, ça n'a pas de sens. OK, c'est basé sur, sur deux best-sellers. C'est un best-seller de David Sheff et de Nick Sheff, son fils. Ça raconte l'histoire, dans le fond, de ce père et de ce fils-là. Le fils est accro c'est quoi cette drogue-là? C'est quoi cette drogue-là? Oh shit, j'ai oublié c'est quoi le nom de la drogue. Nommez-moi une drogue dure là, qui est pire. Coke, fentanyl, je sais pas. Non, c'est pas le fentanyl, c'est... shit! La meth. Non. Crack. Non, c'est comme une drogue qu'on a entendu parler dernièrement, là. Mais en tout cas, peu importe, il est accro aux drogues, c'est un drogué, et son père essaie de l'en sortir, et c'est cette histoire-là, de leur relation à travers ses déboires avec la toxicomanie. Et j'étais heureux de savoir que c'était basé sur un livre des deux, parce que j'étais inquiet pendant le film, j'étais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment inquiet. Comment dire, c'est un film qui n'a pas de trame principale bien définie. C'est vraiment un film biographique dans le sens que on va faire des sauts dans le temps, les scènes n'ont pas toujours de lien entre eux autres, on va passer très très vite à travers des moments de leur vie, tu sais, genre le flow va dire OK, la désintox, ça va bien. Je m'en vais au collège. OK, cool. Il est rendu au collège. Il s'est fait une blonde. Il a recommencé la drogue. Il a drogué le collège. C'est comme, OK, fuck. Les choses arrivent vite. Là, parce qu'il y a beaucoup d'années à passer à travers ce film-là. Puis, ce qui fait que des fois, le film va vite, vite, vite et perd un peu de son effet dramatique que je pense qu'il aurait besoin d'avoir. Parce que... le film commence, puis le flow est tout de suite accro. Fait que tu n'as pas le temps de... Ils essayent par des flashbacks de te présenter un peu leur vie qui était avant, t'sais. Mais c'est beaucoup quand il était très jeune, le gars. C'est un peu ça le titre, Beautiful Boy. C'est que t'sais, lui, il a vu son fils, qui était un petit gars parfait, être détruit par la drogue. T'sais, parce que lui, ce qu'il se dit, c'est que mon petit gars a été supposé être un génie, tu sais, il aurait dû faire des grandes, grandes choses, mais non, finalement, mon petit gars est un drogué, puis il est pas capable de s'en sortir. Fait que c'est un peu ça la trame du film. Puis tout est... Ce qui est cool, c'est que, tu sais, étant donné que c'est basé sur un livre que chacun ont écrit de leur bord, qui raconte la même histoire, ben on a vraiment des deux points de vue tout le temps, tu sais. C'est sûr que c'est un petit peu plus présenté du point de vue du père, parce que la charge émotive, ou en tout cas, tu sais, on dirait que c'est comme le père qui a plus une arc importante là-dedans. Le flow, tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des scènes qui sont beaucoup plus juste je suis drogué et il se passe rien d'autre. Le film m'a fait passer de j'ai le gros moton puis je broyerai ma vie à ça marche pas. Il réussissait à me faire une scène que je fais comme c'est rough scène là, à une autre scène que je fais comme ça avance ce film. Puis le problème, c'est Steve Carell. T'as le flow qui est comme l'acteur le plus top que j'ai vu depuis longtemps. Il te livre des performances débiles. T'as Steve Carell à côté qui garde son côté froid. Puis, tu sais... C'est plate, mais Steve Carell, on dirait que depuis Foxcatcher, ça a comme déboussolé tout le monde parce qu'il jouait un rôle vraiment sérieux avec du make-up. Mais dernièrement, il est rendu typecasté dans ce genre de film-là dramatique, des rôles de mort. On a eu une couple de dernières années avec lui, puis il est tout le temps même, il est tout le temps monotone, froid, oui. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de range pour jouer ce genre de rôle-là. Non. C'est limité, genre. Ben, c'est ça. La drogue, c'est le crystal meth. Le crystal meth, ouais. Puis, non, c'est ça. C'est supposé être le père qui est le plus aimant envers son fils, tu sais, qui le ramène tout le temps, puis qui fait comme, garde, je veux t'aider. Mais le film commence, c'est comme bizarre, parce que le film commence à un stade où le père est pas tanné de cette situation-là, mais tu sais, son évolution émotive est déjà avancée, tu sais. On vit pas la découverte de ça trop avec lui, tu sais. On passe rapidement par-dessus ça. Alors que nous autres, tu sais, moi je serais sous le choc, tu sais, puis ce serait comme ce moment-là qui serait le plus marquant. Puis tu sais, le film passe vite là-dessus pour enchaîner les scènes. Et je pense que ce qui brise les scènes qui sont les plus crève-cœur, c'est les scènes où le fils s'exprime. C'est quand lui, il ouais. exprime ses émotions que ça te fend le cœur, tu sais, parce qu'il dit des choses épouvantables, tu sais. Puis là, t'es comme, mais tape, ouais, mais c'est parce que c'est son petit gars, tu sais. Puis là, tu fais comme, mais viens voir papa, tu sais. Je veux dire, je voudrais te protéger de ça, tu sais. Puis là, tu sens que t'es pas capable. Puis même le Flo est pas capable de s'abandonner là-dedans parce qu'il dit, tu sais, je le vois dans tes yeux que t'es déçu. Je vois, et puis il dit, à chaque fois que dans tes yeux, je vois de la déception, tout ce que j'ai le goût, c'est de prendre de la drogue pour plus le voir, tu sais. Mais je sais que je vais te décevoir encore plus. Puis t'es comme... Tu sais, puis il joue super bien, là, les moments où il est high à fond, puis qu'il est buzzé, au moment où il est rendu clean, puis super, super drette, au moment où il est clean, puis qu'il est rongé par le goût de reprendre la drogue. Écoute, ce flow-là ne parle pas, puis t'as tout compris ce qui se passe dans sa tête, tandis que Steve Carell, t'es comme... Tu l'aimes-tu, ton gars? Petite année, qu'est-ce que. Tu sais, ça me gossait parce que j'étais comme pas, c'est peut-être parce que je suis père, tu sais, j'étais comme pas capable de m'associer à ce père-là puis de me transposer dans son émotion à lui. Parce que mais t'es pas le premier à dire ça. Il y a beaucoup de gens que leur problème avec le film, c'était ça, c'est le fait que Steve Carell arrivait pas à faire ressentir le moindre émotion. Non, puis c'est. Plate parce que le potentiel de ce film-là était beaucoup plus fort que le résultat, malheureusement. Puis, tu sais, on le sait à cause des livres, tout ça, que le fils va s'en sortir. Mais quand le film finit, le fils est juste dans une autre désintox. Fait que là, tu fais comme, OK. Puis là, il y a un texte qui apparaît, puis qui dit que celle-là a fonctionné, puis t'es comme, ah, ok, ben, c'est un peu garoché ça. Tu sais, fait que le film n'arrive pas à la fin à te faire une closure, pis parce que je sais que je suis pas en train de voler un punch. Tu sais, le film n'arrive pas à te faire une closure où t'as donné. C'est les écritures qui finissent par te donner l'espoir que ça a marché. T'sais. Tu comprends. Puis tu sais, quand ça arrive, tu fais comme, ok, mais pourquoi cette fois-là ça a marché? C'est ça que j'aurais voulu comprendre. T'sais. Finalement, pis c'est ça qui est le plus plate. C'est que j'en ai appris autant, sinon plus, à ma petite demi-heure après le film, où j'ai écouté des entrevues d'eux autres qui donnaient à plein de petits talk shows parce qu'ils faisaient la promotion du film, tu sais. J'ai plus saisi les vrais tourments, tout ça, puis comment. Puis c'est plate parce que même le père, je trouvais, dans les entrevues, il était fret. J'étais comme, voyons. Dans le fond, ça reflète peut-être c'est la comme, réalité. Mais c'est ça, c'était pas un mauvais film, là, mais écoute, un peu déçu, j'aurais été supposé d'être beaucoup plus affecté que ça, tu sais. Ouais. Je pense que ce qui m'a le plus affecté, c'est juste que je me suis mis à avoir peur. Tu fais comme, encore, on n'est pas à l'abri de ça, mais pas en tout, là, tu sais. Quand t'apprends que finalement, tu sais, quand tu sais que le fils, c'est parce qu'il avait un problème de... Il était bipolaire, puis il y avait de l'anxiété incroyable, tu sais, tu fais comme... Puis que c'est la seule façon qu'il a trouvé pour se sortir de ça, c'est de prendre de la drogue. Tu fais comme, ben c'est parce que, tu sais, bipolarité ou un trouble d'anxiété, j'ai pas le contrôle là-dessus. Là. Si mon petit gars décide de pogner ça, ben pas pogner ça, mais ouais. Tu sais, d'avoir ces troubles-là, j'ai pas le contrôle là-dessus. Là, tu sais, c'est pas une question d'éducation ou quoi que ce soit. Fait que là, tu fais comme... Fait que ouais, c'était la peur de vivre cette histoire-là était... C'est un peu ça qui m'est ressorti du film, alors que j'aurais dû ressortir avec des scènes coup de poing, tu sais. J'ai pas tant de scènes que ça qui me restent en tête, malheureusement, après mon visionnement, alors que ça aurait dû être un film qui m'aurait marqué au fer blanc, tu sais. Dommage. Très dommage. Mais c'est ça. Timothée Chalamet, écoute. Juste pour lui, je dis, écoutez le film si ça vous adonne, si vous tombez dessus ou quoi que ce soit. Parce que honnêtement, je veux dire, il va jouer d'un mauvais film, puis tu vas te dire, non, écoute-le, il est vraiment bon. C'est la coqueluche du moment, là. Tout le monde capote sur sa performance dans les films. Je suis juste curieux de le voir dans d'autres films, parce que dans ce film-là, il y avait des tics. Il y avait des tics que j'étais comme, c'était intéressant. J'espère que c'est des tics de personnages, et non des tics d'acteur que je vais revoir dans d'autres personnages. Si c'est des tics qu'il a développé pour son personnage, là, je vais comme, waouh, bravo. Parce qu'on aurait dit que c'était d'un naturel incroyable. Mais sinon, je vais faire comme, ah, shit, man. Hein? T'as des petits patterns que tu réutilises un peu partout pour exprimer des choses. J'ai bien hâte. Je dis pas que c'est ça qu'il fait. J'ai hâte de voir ses autres films pour... parce que c'est sûr et certain que c'est ça que je fais maintenant pour comprendre un peu plus l'acteur. Parce que, sérieux, c'était du solide d'interprétation. Sur ça, ben là, Jeff, écoute, on va t'oublier. Ta connexion est croche. Oui. Sa connexion est aussi croche que ses lunettes. Je pense. Steven, finalement, est-ce que tu nous parles? Non, je pense que ça va être correct. Il est bon. Quand même rendu tard. Fait ouais. Ben, écoutez, sur ces bons mots, ben, écoutez, si vous voulez nous suivre, toujours la page Facebook. Notre page web, il y a des concours qui s'en viennent. On va faire tirer la saison 1 de Kidding avec Jim Carrey. Maintenant, ben, tous les vendredis, Radio Énergie Saguenay ou High Heart Radio Saguenay. Je vais toujours poster les épisodes de ma chronique cinéma. J'ai même pas checké c'est quoi qui sort cette semaine. C'est quoi le film cette semaine? Au cinéma? Ouais. C'est pas Identité, justement? Non. Non, pas encore. C'est trop tôt. Il y a quelque chose, mais là, je m'en souviens plus. C'est quoi? C'est... T'as peu... Boy. Qu'est-ce que je vais aller voir? C'est quoi je vais aller voir cette semaine? Le 24, qu'est-ce qui se passe? Glace, incroyable aventure de Bella. C'est ça. Écoute, pour l'instant, sur le site du... cinéma, il n'y a même pas de film en avant-première, fait que je suis curieux. Alors, j'ai bien hâte de voir. C'est le fait que ça veut pas dire qu'il va tout le temps avoir une avant-première, là. Non, en effet. Mais sinon, j'ai le droit d'aller voir un film que de rattrapage et d'en jaser. Alors, j'irai voir Aquaman ou Bumblebee. Ben oui. Je vous en parlerai. Puis, dommage parce que Spider-Man dans le Spider-Verse passe juste l'après-midi. Avais-tu vu Spider-Man finalement? Non, j'avais vraiment... Tu sais, le pire, c'est qu'on est allé voir Glass hier, vraiment tôt, à 10h30 le matin. Puis là, je regardais tous les films à l'affiche, puis j'étais comme... J'ai envie de voir Spider-Man, j'ai envie de voir Aquaman, j'ai envie de voir Bumblebee. Je pourrais passer la journée ici, là. Ouais, vraiment. C'est ça, c'est une belle... C'est un beau restant de temps des fêtes. Ouais, pas mal. Ouais, mais malgré qu'Aquaman... Ben oui, 21 décembre. Oh, oui, c'est un restant de temps des fêtes qui est vraiment intéressant. Puis même, tu sais, je sais que c'est pas, ça n'a pas fait l'unanimité, mais je serais curieux de voir Escape Room aussi. Ouais, mais celui-là, ça me dérangerait pas d'attendre non, à la maison, là. Mais j'ai quand même... J'ai un intérêt à aller le voir. Mais c'est ça. Sur ce, ben, suivez-nous. On est à 777 likes sur notre page Facebook. Si c'était une machine à sous, on gagnerait le checkpoint. Parce que écoute, 3-7 un à côté de l'autre, c'est tout le temps ça qui gagne gros. Il y a deux choix, je sais pas si ça sort dans ton coin là, pour revenir là-dessus, là, mais premièrement, tu as Destroyer avec Nicole Kidman par la réalisatrice d'Invitation. Ben oui. Ou tu as le nouveau film de Joe Cornish que tu as plus de chances d'avoir par chez vous, The Kid Will Be King par le réalisateur de Attack the Block. Ça a l'air un film fantasy avec des jeunes, ça a l'air le fun, ça fait très. Ça a une vibe très Edgar Wright. Ouais, je pense pas qu'on va l'avoir. Je pense qu'on va peut-être les avoir, mais probablement pas. En avant-première ou peut-être même pas en première semaine. Mais oui, Destroyer, justement, j'ai fait notre tirage. On faisait tirer 3 laissés-passer double pour le film. Sérieux, j'ai hâte de le voir, celui-là. C'est vraiment, vraiment hâte de le voir. Ben c'est ça, sinon, ben merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre. Allez-y tout le temps dans nos commentaires. Ces temps-ci, la page Facebook, je trouve qu'elle est vraiment active. Le monde jase beaucoup. Ouais. Les posts sont vraiment populaires. Continuez, c'est vraiment trippant. Et on voit des nouvelles faces, des nouveaux mondes parler. Sérieusement, c'est crissement encourageant. C'est ça, ça nous fait toujours plaisir. C'est un peu notre paye, là. Oui, on parle des Patreons, mais ça reste que notre paye, c'est d'avoir des auditeurs. c'est ce qui est le plus important. Donc, montrez-vous la face. Dites-nous que vous nous aimez. Ou dites-nous que vous nous haïssez puis que vous nous écoutez juste pour nous haïr. Ça se peut. Il y en a qui font ça. Sur ça, Jeff, bye-bye. Oui. Bye-bye. Steven, bye-bye. Au revoir. Et n'oubliez pas de garder ça le fun.